Avertissement. Des avertissements au début d'un podcast, c'est très rigolo. Encore plus si l'avertissement dure plus qu'une ligne un petit peu cocasse, avec une voix de personnage pas trop assumée. Plus elle s'éternise, plus la qualité humoristique de l'avertissement augmente. Vous pouvez même aller chercher un nombre additionnel de rires en mentionnant une vieille référence qui n'est plus d'actualité telle que... c'est-tu moi ou c'est pas ben bon l'émission de télé-réalité de Claude Dubois? Lorsque vous pensez avoir atteint la durée parfaite pour votre avertissement, doublez-la. C'est jamais assez long. Il est très important de feindre la fin de l'avertissement avec la phrase « Merci et bonne écoute ». L'auditeur croit alors l'avertissement terminé et boum, revirement de situation. L'auditeur se dit enfin « Voyons, c'est pas encore fini, Zaka! » N'oubliez pas de prendre l'enregistrement de votre avertissement et de le mettre sans faute à chaque début d'émission. Ça serait une erreur d'enregistrer du nouveau contenu frais, car s'il y a une chose que les gens apprécient beaucoup, c'est bien la répétition. Ou c'est bien la répétition. Ou c'est bien la répétition. Ou c'est bien la répétition. C'est weird de faire un épisode en personne, justement. De face à face comme ça, en plus. Mais ça fait... Mais tu attends, ça pique un peu. Oh. J'étais quand même pas si loin. Le tien ou le mien. Mais tu es pas à l'aise. Ah! Bon, ok, comme ça. Mets-toi à l'aise, ça arrange chaud pour pas être tout le temps comme ça non plus. Ouais, non, mais je pense que comme ça, c'est correct, parce que si tu check comme ça, si je ris, même là, c'est genre limite. Mais bon, vrai, quitte à essayer, si on rit ou on crie, on recule. Ouais, hein, c'est ça. Fait que c'est oh! En temps. Je vais fermer ça. Ouais. C'est un professionnel. Ouais. Bah, hey, hein? Hey, tabarnouche, hein? Ça fait bizarre. Ouais. Ben, je, ouais. Ça, moi, ça me fait penser à... Te rappelles-tu, dans les premiers qu'on a fait, c'était stressant. Mm-hmm. Puis tu sais, on s'adressait à personne, là, mais il y avait... J'étais nerveux. Ouais. Là, en vrai, j'étais un peu nerveux comme ça. Ouais. Ben, c'est pas la première fois qu'on fait ça, mais... Je sais pas si c'est nerveux comme gêné. C'est comme entre les deux. Ben, il y a aussi le fait qu'on se voit plus si souvent que ça en personne. Ça. Fait que là, il y a tant l'espèce de gêne de comme ouais. Ah, c'est. Ah, ça ressemble à ça. Ok, plus tu parles. Ouais, c'est ça. Okay, c'est ça que les cheveux coupés en plus. Ouais, j'ai l'impression. Surtout qu'on le voit ça dans l'audio. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que genre. C'est très beau en passant. Moi, j'adore si ça. Si tu me regardes, là, tu peux imaginer que je les ai coupés genre en pleurant dans le bain, genre avec des ciseaux. <t'es> comme... Mais ouais. Mais ouais. C'est ça le cover cette semaine, toi qui te coupes les cheveux dans le bain. C'est quelqu'un qui se coupe les cheveux dans le bain en pleurant. J'aime ça, les défis, oui, quand c'est long à faire un cover. Ça va être ça. Ça vaut la peine. Ça va être au fusain. Oh, fusain, nice. Ouais, tu vas avoir un nouveau style, là, un nouveau branding, puis tout. On change de nom, j'pense podcast, je pense. Puis c'est notre dernier aussi. Si on avait à changer le nom, tu mettrais quoi? Sûrement un. Ouais, pas un nom, j'allais dire. Genre, sûrement un jeu de mots avec podcast. Non, je sais pas. Non, mais. Je sais pas, hein. Tu sais, si, ouais, rendu si, à venir qu'à changer de nom, je changerais de podcast. T'sais. Rendu là, je ferais comme, réinventons un peu la formule, ferais, faisons d'autres qu'est-ce choses. Qu'est-ce que t'aimerais faire comme genre autre projet? Mettons le podcast, tu dis, ok, j'en start un autre, là, qu'est-ce que tu penses qui ça te tenterait? Tu fais-tu... Je sais pas trop, tu sais, j'aime le fait que là, c'est focal, puis qu'on peut pas se préparer, puis se préparer ish, mais tu sais, qu'on peut juste faire... Puis qu'on est capable de se surprendre juste en inventant sur le coup des affaires. Je voudrais pas faire de quoi qu'il faudrait se préparer, ça me ferait chier, je pense. Ouais, je pense que je le fais juste pas, ou, en fait. Ouais, c'est ça. Ou c'est ça qui sortirait comme une fois par mois. Parce que j'en ai souvent parlé avec Sarah, ma blonde, puis il y a souvent une idée comme « Ah, ce serait drôle de faire un podcast ensemble sur de quoi? » Puis le thème qui revient souvent, c'est de parler, mettons, de trucs genre science occulte, puis extraterrestre, puis tout ça. Mais tu sais, de quoi de... pas trop préparé que faut que ça soit lourd toutes les semaines, puis surtout si mettons avec les sorbets pis tout, mais tu sais de quoi que quitte à elle peut s'informer puis moi je réagis mettons. Ouais. C'est souvent tu sais une idée qui flotte. C'est genre d'affaires que j'aimerais aussi. Ça. J'aimais tellement ça quand j'étais plus jeune, tout ce qui était magie, fantôme, ovni, tout ça. Il y a de quoi de fascinant là. Ouais. Je sais pas si c'est parce que c'est un peu enfantin à quelque part. Ouais, foutu. Puis il y a toujours une partie qui veut y croire. Tu sais, dans le sens, t'aimerais ça que ça soit vrai. Qui reste, comme, mais si jamais. Tu sais que c'est pas vrai, mais t'es comme, mais si jamais, ce serait le fun. Non, c'est ça. Non, moi aussi, j'aimerais ça. Mais, je sais pas, c'est quoi je ferais. Ou mettons, mettons que c'est pas toi qui pars un show, mais tu collabores un show, au pire, t'es là une fois sur deux, ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Là, t'aurais une chronique, genre. Ce serait quoi ton. Une chronique, attends, sur quoi je ferais ça? C'est mettons à Décideret ou whatever, là, même ou ouais. Peut-être de quoi de plus sérieux d'un autre thème, peu importe. Là, mais tu sais, de quoi tu ferais comme, ok, là, cette semaine, je vous parle de ça. Je voyais quelque chose de facile juste parce que temps-ci, j'étais accro là-dessus, mais genre la cuisine. Quelque chose sur la cuisine, mais genre des trucs whack ou je sais pas. Je sais pas, en fait. Comme ouais. Le gars qui s'est cimenté la tête dans un micro-ondes. Oh, man! Mais c'est, moi, c'est le genre de nouvelles qui me trouble, ça. Ça fait une petite sensation de « Oh my God, ça me traumatise, mais genre, j'ai l'impression que c'est comme un début. Si je voyais ça pour vrai, je serais traumatisé, genre. » Tu sais, tu fais comme « Ah, voir que quelqu'un fait ça, genre. À quoi tu penses? » Chris, moi, j'allais te le proposer là, pour c'est le ça. Prochain, mais là... J'ai tout de près dans les mains. C'est ça, Chris. Tu vois, je fais des signes en arrière, il y a trois gars avec un kit de ouais, ciment à micro-ondes. Il était comme ça sur le bord du mètre sur la tête, genre. « Oh non! » Ah ouais, écoute, bon, ben, je vais repenser à d'autres choses pour le ouais, prochain. Mais ouais, non, il y a de quoi, ouais, c'est... Il y a de quoi de troublant de penser que quelqu'un peut faire ça, genre. Mais tout ce qu'ils font, je sais pas si t'as vu un peu, c'est genre dans un bain d'auto-bronzant, pis des toutes les mêmes, je me suis tellement pas informé, j'ai vu ça passer, j'ai fait ça, ouais, t'sais, j'ai fait « Chris et cave », pis je l'ai pas lu. C'est que ça a pas de bon sens, mais c'est vrai, ouais, c'est le genre de niaiserie qui me fait tout le temps un peu peur. Ouais. Pas peur, mais genre, je veux pas aller voir ça. Genre, c'est comme même les sites comme tu sais Rotten puis tout ça que jamais été capable d'aller voir ça, du monde qui comme risque de se faire mal ou qui se font mal pour vrai, autre que genre tomber en skate ou des chutes de même, ça va, c'est toujours un peu drôle quelqu'un qui se fait un peu mal, mais c'est comme il y a comme une limite où quand c'est parce que t'es cave puis tu veux, ouais, il y a quelque chose de troublant là-dedans. Mais Rotten, c'était pas juste des affaires de parce que t'es cave, il y avait ah, des non, photos, non. Genre. Ah oh, non, il y avait des accidents. Puis Rotten, je me souviens d'avoir vu ça pas, quand j'étais plus jeune, genre secondaire. Ouais, j'avais un oncle qui aimait ça. Puis qui aimait ça. Il allait des fois, genre, puis il riait, puis je sais. Ouais, je sais pas comment. Tu sais, je pense que je réagissais comme ah, c'est drôle, mais je pense que c'est pas une partie moi, de moi qui essaie d'avoir de l'air tough. Ouais. C'est comme du monde qui est. Mettons, tu. Du monde qui écoute le truc de Magneto, pas de Magneto, comment il s'appelle Magneto. Le truc, c'est Magnota. Ah, genre, ouais, si ils écoutent ça, puis ils font, mais ça, non plus, j'ai pas checké, puis je sais que ça me fuckerait à la tête. Ouais, hein, ils font quoi, j'ai checké, c'était pas si pire que ça. Hey, fuck you, Chris. Moi, je sais que t'en vois pas ça quand tu dors, puis tu pleures pas en bas dans le bain. Là. Hey, là. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est sûr. Ça... Ou si je veux pas entendre quelqu'un qui dit, moi, je l'aurais regardé, ça m'a rien fait, là. Ouais, non, c'est ça. T'es dangereux, c'est ça. Exact. C'est je trouve que c'est. Tu sais, mettons. Comme le monde après, ils font ah, moi je regarde les films d'horreur, ben, des trucs comme ça, mais c'est parce que ça me trouble, mais là ils vont voir des trucs de même, mais je comprends pas, mais c'est l'inverse, c'est genre. Et finalement, c'est parce que tu sais automatiquement, c'est pas vrai. C'est... Ouais, ouais, ouais. Puis même ce qui ressemble à ça, il y a du monde qui pense à exister, genre les snuff-films, ou tu sais, des snuff-films, en gros, c'est un film d'horreur, ce que tu penses que c'est pas vrai, mais où finalement, il y a vraiment du monde qui sont fait mal, ben, qui sont tués. Mais genre, ça existe pas. Fait que tu sais, automatiquement, c'est genre, ben, ça existe pas parce qu'ils ont. Bref, il y a eu des études ou je sais pas quoi. Ok, il y a-tu une légende urbaine qui en a, genre que. Je pense que oui. Puis il y a du monde qui essaie de débunker ça, puis il y en a que c'est pas clair, genre. Il me semble, je sais plus c'est où j'ai lu ça, mais il y a pas de. Ben, il y a rien de documenté qui s'arrive pour vrai, genre. Ok. Puis il y a comme. C'est ça, c'est aussitôt qu'on dirait que c'est. Vu que tu le sais que c'est pas vrai, t'es comme, bah, ça me trouble pas, mais moi, c'est aussitôt que c'est. Tu le sais que c'est vrai, là, c'est automatiquement, je suis pas capable, juste la tête dans le micro-ondes, je suis comme, je vais même pas me le voir, là. Ah, j'ai pas checké son vidéo non plus. En même temps, tu. Une partie de moi qui veut pas y donner un view. Ouais, comme... c'est ça, il y a ça aussi. Ah non, sans dessin. T'aurais pu crever dans ton micro-ondes. Ah non, mais c'est ça. Il y a c'est pas poche à deux, souhaiter, ouais. Mais reste-tu de crise de boîte. Il est comme, oh, je suis tellement heureux d'être vivant. Ah oui. Je vais pouvoir récolter l'argent des views de cette vidéo. Ah non, il y a plus de pub dessus. Ah non. Ah non, parce que c'est contre les règles de YouTube. Ah ouais, ouais. T'as pas le droit d'être endangered puis, ou endangered d'autres personnes. Ça me surprend quand même qu'il. Ben, tu en même temps, tu te dis. T'as encore le footage. Tu sais, j'allais dire, ça me surprend qu'ils laissent ça en ligne. Ouais. Même YouTube qui fasse pas comme on enlève ça, Chris, c'est pas être une mauvaise influence. Mais en même temps, il y en a tellement. Ça existe, c'est documenté que t'es cave. C'est ça. Mais en fait, fais l'inverse, arrange chaud pour que je puisse jamais l'enlever, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais mets un tag genre ce monsieur est idiot, tu sais. Ben, ça doit pas être le seul affaire qui ressemble à ça. Ça doit être. Juste parce que là, c'est présent, côté, mais ça doit être. Il doit y avoir plein d'autres affaires de même aussi. Je suis pas fan là-dessus. Non, puis je suis pas assez YouTube, c'est con, mais j'ai pas. Il y a personne sur YouTube que je suis assidûment. Ouais, ouais. Tu sais, je vais écouter des vidéos quand ça passe, puis je vais me servir de la plateforme constamment, mais genre, je vais pas. Il y a pas comme un YouTuber ou une chaîne qui fait comme, ok, je suis régulier, puis j'écoute ça tout le temps, puis. Ouais, ben, mais c'est juste dernièrement. Écoutes, genre. Ouais, c'est juste dernièrement que j'ai comme. Il y a comme peut-être 3-4 chaînes que je suis. Ouais. Si on veut. T'as de la cuisine? Non. Ben, il y a de la cuisine, puis ben, il y a Hot Ones. Que je t'ai parlé cette semaine, oui, c'est, que, ça fait quand même longtemps, il y a genre 110 épisodes, c'est, ils ont des invités puis ils mangent des ailes de poulet avec de la sauce piquante de plus en plus épicée. Qu'est-ce que c'est ridicule, ça c'est, mais c'est malade, Mais c'est ceux que tu m'as fait écouter, ce qui me fascinait, c'était pas la gradation, mais tu sais, l'évolution de comment ils réagissent. Comme, tu sais, au début, tu vois, oh, c'est fort, là, continue à parler. Puis après, c'est give up. Là, ça, c'est encore là, oh man. Ah, c'est fou, hein. Puis ils sont plus capables de se concentrer sur les questions du gars, que lui, il est habitué en crise de manger de la sauce piquante, là. Mais même là, c'est ça, lui, il est comme, genre, ça me fait mal, mais il faut juste que je parle pendant. Ouais, non, c'est ça. Oh my god. Oh! Stay on top. Ah! Ah! Mais juste pour donner une idée, le Tabasco de base, lui normal, c'est 4000 sur l'échelle de Scoville. Puis eux, comment ça s'appelle monte... Scoville? Hein? Comment s'appelle l'échelle? L'échelle Scoville. Scoville. Ok, je pense que c'était 6 Scoville. Non, non. Parce que t'as dit C. Tu sais, l'échelle 6 Scoville. C'est Scoville. C'est ça. Tabasco, c'est entre 4 et 6000, je pense. Okay. Puis il monte. Dernièrement, la plus forte, c'est 357 000. Pardon. Après ça, ça a monté à 500 quelques. Puis, dans la dernière saison, il y en a une à 1 million. Oh, nice. Ouais. Tu meurs, je pense, tu manges ça. T'existes plus. Mais c'est. Au final, c'est. La pas... sauce barbecue là-dedans, c'est où ça? C'est 2-3. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ça doit être 100 sur les choses. Moi, c'est pas mal mon top. Si je mange pas épicé, en plus, je serais mauvais pour faire dans le je commence un peu. Ouais. À tranquillement, comme aimer plus ça, mais. C'est genre même là, le tabasco, c'est limite. C'est genre, faut pas que j'en mette trop. C'est genre, j'en mélange dans de la sauce. Puis même là, l'autre jour, je m'étais fait de la. Juste des ailes de poulet, j'avais la sauce barbecue, j'avais mis du tabasco dedans. Tu sais, il y en a pas une tonne, c'est pas pur, c'est même. Ça fait que c'était en bas de 4000. Puis à la fin, j'étais comme, ah, c'est ben trop piquant. Que Chris, man, l'affaire à genre 100 000, je vais vouloir mourir. C'est quand qu'on fait ça? Bientôt. J'aimerais ça pour vrai. Mais j'en montais à maximum 200 000. Ben, tu sais, il y a aussi qu'à un moment donné, on va pas s'acheter pour 400 piastres. Non, c'est ça, c'est quand même cher. La 357, là, c'est. Est à 40 piastres le pot, genre. Calice. Ouais. Mais le plus fort que j'ai mangé dans ma vie, c'était un habanero au Mexique. Okay. Mais tu sais, je peux pas savoir c'était combien. Fait que c'était ça a l'air que c'est entre 100 000 puis 300 000. Ok. Puis genre, j'avais juste pris un mini bout sur ma fourchette. Là. Genre, j'ai été 20 minutes à être comme ah. Puis là, j'ai mangé la crème glacée sans arrêt, j'avais une glace à la bouche. J'étais comme ah, je vais mourir. Puis là, le lendemain, man, c'est pas fun. Ça fait aussi mal à la sortie. C'est ce que je mange. La dernière fois que j'ai mangé épicerie, on avait commandé des... L'Indien? Non, parce que même l'Indien, je mange souvent poulet au beurre. Ah, ouais. Niveau épices, c'est souvent très beau, là, on s'entend. Ouais. Là, ça goûte plus le sucre. Ouais. Mais c'était non, on avait commandé des dumplings. Okay. Ça devait être minuit et demi, puis c'était comme un coup de tête. Mais il y avait une sauce, probablement la soya, puis il y avait une autre sauce calissement fort. Okay. je pense que j'avais un peu bu, parce que je l'ai trempé beaucoup. Genre. Okay. Ouais. Ouais, mais c'était pas pire fort, mais ça se trouve dans l'échelle, c'est genre 200. Bon dans l'épicé normalement les trucs asiatiques je parlais plus dans le sens que moi je suis poussi par rapport à ça j'aime pas mais un truc j'ai de la misère en crise un truc qui m'énerve avec l'Indien c'est genre tu sais même si le site est dit spicy ça varie tellement de resto à resto là c'est tellement c'est genre tu lances un dé genre il y en a un des fois c'est ok ça va puis il y en a d'autres tu manges une bouchée et comme plus jamais je peux manger ça je vais juste l'acheter mais tu me fais trop mal j'ai pas de fun. Tu sais, j'ai comme une limite, ouais, mané, on dirait que ça devient amer dans le fond de la gorge, t'as le goût de vomir un peu. Alors, il y a une fois, c'était ça, le plat, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, en fait, je le dis, tu sais, à chaque fois, c'est comme, tu prends juste un petit peu de légumes, tu le mélanges avec, genre, la moitié de l'autre plat, juste pour, comme, essayer d'en passer un peu pour pas le jeter, mais... Ouais. Non, c'est trop piquant. Mais ouais, non, j'aime ça, mais je suis pas bon, là. Pas bon là-dedans. C'est comme tout, ça s'entraîne. Plus t'en manges, plus tu montes. Ouais. Puis c'est pour ça que le gars, dans les entrevues, justement, il réagit pas mal moins que les invités. Je sais pas, à chaque fois, il dit encore, lui, que genre, à partir du, mettons, 100 000, c'est pas le fun. Ok. C'est pas pour lui, c'est pas plus le fun. Genre, ok. Je pense. Mais j'imagine, ouais, tu finis par être habitué. C'est pour quelqu'un, là. Ça se peut pas qu'il vende juste un produit juste pour faire chier, là. Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui mange ça, puis ça y prend ça, parce que sinon, tout est fade. J'ai l'impression qu'à partir d'une. C'est comme, je sais pas, c'est comme prendre une cuillère de sel. C'est genre, il y a un bout, c'est comme, ça sert plus à. Ouais. Tu sais, ça amène plus rien. Ouais. C'est juste une affaire de, un peu d'ego puis de. Juste de concours. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Est-ce que des affaires plus épicées, quand t'es rendu habitué à des affaires vraiment très très fortes, ça doit plus goûter rien. Ouais, ça doit être bizarre. Ouais. Parce que là, on fait pas bizarre, mais ouais, plate. Ça doit être, du poids, lui, de trouver ça soft en crise. Ouais, c'est ça. Ben, tu y vas, j'imagine rendu là, c'est plus pour le goût. Tu vides la poivrière. Ouais, c'est ça. C'est plus pour le goût du poivre que pisse, ouais, ouais, si ouais, on c'est veut. Ça. C'est quoi du. Je sais pas, c'est, ça a-tu une valeur sur l'échelle, le poivre, genre. Cherche. Ouais, je sais, on sait rien. Pas, on va apprendre c'est ça. Genre 12. On va apprendre des. Hey, le pire, non, mais c'est 22. Non. Le pire, je commence à poivrer mes affaires, là, tu sais. Ça fait, poivre, ça fait. Scoville. Ça fait 27 ans, Asti, que je mets pas de poivre sur mes attends, affaires. Bon. L'échelle de Scoville. Le poivre est entre 0 et 100. Hey Chris, ouais. Des, je mange trop de poivre, des fois j'ai chaud, imagine-tu? C'est combien du poivre de Cayenne? Ah! 30 000 à 50 000, c'est pour ça que ma nez, c'était un peu raide. Enfin, j'avais mis quand même une bonne cuillère de poivre de Cayenne, okay. Sans, genre j'avais quand même un peu mal calculé. Ça explique pourquoi c'était amer. C'est drôle quand même qu'il y ait quand même pas grand pont entre les deux. Non, non, là c'est... Deux, tu veux pas 200 ou... 30 000, bon! Ah non, c'était violent, très violent. Ouais. Puis, ah, à part de ça, on dirait qu'en personne, c'est... Je suis comme, ouais, j'ai pas envie d'improviser quoi que ce soit. Hey, non, moi, je suis gêné, mais là, tantôt, je vais être correct, mais... Ouais, c'est ça, mais là... D'ailleurs, là, c'est... mettons qu'on en fait deux, c'est-tu le 81 qu'on fait, là, ou le 80? Ou sinon, c'est un montage, puis c'est un épisode, mais... Tu sais, c'est... Moi, ce que je... comment je le vois, ce serait peut-être plus pour avoir... Au final, une partie qu'on est sûr qui est correcte, ouais, ouais, ouais. Qu'on peut sortir un épisode avec, ouais. Puis la suite après, si jamais il n'y a rien. Mais ouais, c'est ça, je me demandais, si mettons qu'on le fait puis ça marche, quel que je mets en premier, ouais. Puis je me dis, 80 fait milestone, mais en même temps... Ben, juste le fait d'être ensemble, c'est... Ça fait différent pour le 80, si on veut. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On pourrait quasiment, tu sais, après, on verra à quel point on a des discussions, ouais. Et on peut s'amuser aussi juste à faire des sketchs et à les mettre dedans. Ils sont tout le temps bons, ceux-là. Hein. Quand c'est même. Là ce qu'on parle, ben, parce que c'est juste des affaires random, ouais. Puis ça marche quand même bien. Hey, parlant de trucs random, hier, on essayait un jeu, c'est le party de travail. De Noël? Job. Ouais. On peut dire Noël ici, on n'est pas laïque. Ah, ok. Puis on a joué à, c'est quoi, petit meurtre et crime? Je sais plus. Petit meurtre et crime. Je sais... Non, c'est pas ça, c'est exactement. C'est un mystère petit, genre. Ouais. C'est... En gros, t'as des livres. T'as 6 livres. Ouais. T'as un enquêteur, puis t'as une autre personne que je me rappelle plus c'est quoi son nom. C'est son rôle. Mais en gros, c'est chaque personne qui a un livre normal peut être soit quelqu'un qui est juste qui a rapport au crime qui a été fait ou la personne qui a fait le criminel, genre. Puis tout ce que t'as, c'est 3 mots. En fait, t'as 2 fois 3 mots. C'est okay. Comme selon la question. Puis l'enquêteur, lui, il faut qu'il pose des questions à chaque personne. Chaque personne est obligée de plugger ses 3 mots obligatoirement dans sa réponse que pour l'enquêteur. OK. Puis la personne que je me rappelle plus c'est quoi le nom du rôle, lui, vérifie que la personne a dit les 3 mots. En gros, il dit pas, tu sais, c'est quoi les mots, mais il dit, genre, oui, c'est correct, ça passe. Puis la personne qui a fait le crime, lui, il a pas les mêmes 3 mots que les 5 autres personnes. Ce qui fait que lui, il faut qu'il écoute les autres pour essayer de trouver c'est quoi les mots pour lui qui est plug, mais lui aussi, il a ses 3 mots. OK, OK, OK. Fait que lui, il faut qu'il plug ses 3 mots. Oh, excusez, c'est pas... Je voulais pas... C'est, j'ai dit 3 fois OK, là, c'est pas un message subliminal. Okay. je me suis rattrapé en le disant, je fais ta parole. Mais ouais, fait que lui, il a ses 3 mots, puis il faut qu'il essaie de plugger les 3 mots des autres. Ouais. L'enquêteur, lui, il faut qu'il trouve c'est qui le criminel. Ouais. Fait que l'autre, l'enquêteur, lui, il a pas le droit de dire c'est lui, oui, il a dit les 3 mots de telle personne. Quels 3 mots? Il va juste dire oui, il a dit les 3 mots. Fait que là, c'est à l'enquêteur de mieux écouter pour être sûr. Puis bref, c'est juste ça. Puis mais bref, il y a plein de... J'arrête pas de dire bref. Il y a plein d'impro à faire. Il faut que tu sois un peu en personnage. Ouais. Puis... Asti, que j'étais mauvais, man. J'étais tellement... Il y a un des amis, man, il était tellement fort. Là. Genre, à un moment donné, il y avait les mots, c'était ange, tronc, puis un autre mot, peu importe. Puis tu vois, il a juste répondu à la question à un moment donné, puis là... J'ai fait un rêve, là. Il y avait des anges qui fouettaient des hommes troncs. C'est genre, il faisait juste bloguer des trucs, des affaires comme ça. C'était drôle. Là. J'essayais trop. Là. J'étais pas capable. Là. J'étais comme, oh, je suis beaucoup trop mauvais. Là. Je devrais pas être si mauvais après en avoir fait autant. Après pratiquer aussi souvent, mais non. Incapable. À chaque fois, j'étais super stressé. Mais là, c'est différent le contexte. Là. C'est pas c'est pas à distance sur Skype que l'autre ne voit pas vraiment. Même là, tu l'as dit, on est comme plus gêné de le faire là, parce qu'on est face à face. J'étais moins gêné. Je me suis amusé pareil. Un moment donné, j'étais juste... Fallait plugger espérance, concret, puis expérience, je pense. J'étais comme... Genre, je m'appelais Linda. Puis, genre, j'ai comme. Je suis correct, m'allume une smoke. Puis là, j'ai pris un crayon, je l'ai mis dans la bouche. Là. J'ai comme, là, je sais, ça coupe mon espérance de vie, mais moi, j'y crois pas, y a rien de concret. Puis là, genre, j'ai juste répondu à la question après avec l'autre mot. Mais genre, y a personne qui riait. Moi, j'étais genre, c'était malade d'avoir trouvé ça. Mais tout le monde était comme, ah, man, t'es ben trop dedans. Ouais, c'est ça. C'est juste triste, là. Ouais, c'est ça, t'essayes ben trop. T'as-tu arrête. Besoin d'aide, monsieur? Ouais. Ah, non. C'était malaise. Il te faut une intervention après. Là, ouais, là c'est Mathieu, ça. Ton problème de fumer des crayons. Mais c'est ça. Mais c'était le fun, c'était vraiment cool comme jeu. Mais ça a l'air cool. Ouais. Ça doit être le genre d'affaire que tu peux quasiment t'arranger puis semer des fausses pistes puis toujours ouais. répéter les mêmes mots ouais. c'est pas eux autres. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était vraiment cool. C'est un bon jeu. Comment s'appelle le jeu? Petit meurtre et petit pot de beurre. Je sais pas, je sais même pas s'il y avait petit dans le mot, mais il me semble qu'il y avait quelque chose comme. Attends. Recommandation de la semaine, il me semble qu'il y avait quelque chose comme attends. Petit meurtre et petit pot de beurre. Pendant que Mathieu cherche, je vais vous faire l'énumération des nombreux jeux de société que j'ai chez nous. Petit meurtre et fait divers. Petit meurtre et fait divers, mais quand même. Ouais, parce que des fois, c'est genre, tu sais, quelqu'un qui a sauté en bas d'un building. Ou il y a une autre fois, c'était plus. Il y en a un, c'était 9 personnes dans un foyer pour personnes âgées, il y a les pieds brûlés à cause des chaufferettes. Ok. Et tout. Puis là, toi, t'as genre ton rôle. C'est genre docteur. Tu dis, ben, salut, moi, c'est Gilles, je suis docteur. Mais ouais, non, c'est cool. C'est vraiment le fun. Gilles est docteur. Il fait quoi? Il est docteur? Il a-tu des passe-temps, ce Gilles-là? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? T'as pas de backstory. Ah, en fait, je l'avais appelé François, c'est vrai. Ah. Sur le docteur, j'avais dit... j'étais... En plus, c'était moi le meurtrier. Fait que j'étais... Ben, pas le meurtrier, le coupable. C'est que je... Fallait que je plug d'Ono. J'ai manqué un des mots qu'eux, ils avaient dit. J'avais pas... Ben, en fait, c'est... j'ai pas été chanceux. J'ai été le deuxième. C'est l'enquêteur qui décide à qui il pose des questions. Okay. Il y avait juste une personne avant moi. Parce que ça se peut que tu sois le premier, dans ce temps-là, t'es fait. Mais il y avait juste une personne, puis j'ai comme, oh, crotte, je sais pas quel mot. Parce que souvent, tu l'entends, ils sont comme, ouais, puis tu sais, la persévérance, ouais, c'est comme, ça. Ah! Mais non. Mais ça paraît qu'il plug un mot. Ouais, c'est puis... ça. Mais surtout qu'il y a des mots, des fois, que tu utilises pas, là, genre émolument. Ouais. Tu sais pas, moi. Moi, je voulais essayer de trouver un jeu de mots avec genre une vieille madame qui dit, ah, les émaux, genre les pour un emo, genre, puis. Je sais pas, genre d'essayer de trouver un jeu de mots avec ça pour dire, comme, essayer de plugger Lu, comme, t'as lu son livre du emo, puis, mais parce que à cause de ça, il ment. Mais bref, j'essayais de trouver un jeu de mots avec ça, j'étais incapable. Fuck, là, je l'ai reçu. Ouais. Genre, ah ouais, j'ai lu son livre, mais, tu sais, tu peux pas leur faire confiance parce que les emo lu ment. Ben, ou, plus comme, il m'a lu ment. Mais, ah ouais. Genre, j'irais plus vers ça, mais là, c'est comment tu le places dans une phrase que. En parle. Faut que tu. Ah, faut que tu répondes. Que... Faut que tu répondes à la question de l'enquêteur. C'est ça, exact. Ah ouais. Faut que tu te demandes, tu passes sur une histoire que ouais. ça n'a pas rapport, tu dévies sur. Je parle ouais, à ma mère, puis elle me demande, il t'a-tu lu, tu sais, quand Chris m'a demandé. Ça n'a aucun sens. Non, c'est ça. Mais il faudrait peut-être que je l'achète, hein, pour. Tu vois, mais ça, c'est ma très garnie collection ouais, de jeux de société. Ça, là, ça me fait rire, ça. C'est, tu sais, parce que j'aimerais ça, tu sais, dire. Ah, c'est que je trippe, c'est board game, man! Puis là, ça tu regardes les 5 jeux que j'ai, c'est genre Clou, Ouija, Trouble, Boggle, puis un jeu de cartes avec des chiens Mira dessus. Ça, c'est mon kit de jeu de société. T'as marrant. Asti, c'est quasiment. Mais c'est fou, ben trop comment... beau. J'ai même pas Monopoly là-dedans. Si Ouija, c'est rien. Ah oui, c'est rien. C'est dans une plaquette pas... avec un asti de cossin. C'est genre. C'est le seul. C'est genre. Ça... C'est juste avec du monde pour du monde qui croit aux fantômes, c'est ouais. juste ça, genre. C'est fou! Pis c'est même pas une belle édition, là, il est dégueulasse, là, je peux te le montrer. Ça, c'est visuel, ça vaut la peine, là. Mais. Genre, vas-y. C'est tout, c'est vraiment juste ça. Ma mère, elle voulait pas qu'on joue à ça parce qu'elle avait peur des fantômes. Lettre. Pis il y a une plaque avec les lettres, c'est juste un c'est juste un gros collant sur un apron, ouais. genre. Un apron ma mère, elle nous disait cafétéria. Faire attention. Hey, Chris. Ma mère aussi, je suis sûr qu'elle dirait ça. Là. Puis, tu sais, le board, il est pas beau en plus. Il y a rien, tu sais. C'est pas les. Dans les films, c'est tant fancy comme oh, il y a une petite ouais. vitre, là. Puis là, c'est par la vitre. Ouais, ça, c'est juste avait... un espèce de. Lui qu'on avait était de même aussi. C'est comme un gros pic de guitare géant. Ouais. Qu'est-ce que c'est, là? Asti, Chris. Est-ce que je voulais qu'il y ait des fantômes quand j'étais jeune? Alors, on avait joué à ça, mais j'étais tellement déçu quand. C'est comme ça bouge pas vraiment. Ou bien, ça... si ça bouge une fois, tu le sais très bien que c'est une personne qui a tiré dessus. Puis... Non, c'est ça. J'étais comme. Oh... Mais, qu'est-ce que t'as fait? Mais non, c'est ça, moi aussi, mais je pense que il y a quelque chose de le fun de croire aux fantômes hein, parce que j'imagine tu veux confirmer qu'il y a quelque chose après. Ouais, ouais, enfin, ça aussi. C'est mais... pour ça que tu veux aussi, je pense. C'est facile à croire parce que tu veux y croire. Ouais, ouais. Ouais. T'es-tu 100% convaincu qu'il n'y a pas de fantômes? Non. Ben pas. Ben non, ben pas. Ça dépend, c'est parce que fantôme, c'est large. Mais c'est pas... Ouais, OK, mais tu sais... Je dis pas... Fantôme, pas une personne qui flotte, mais non, mettons manifestation de quelqu'un qui est décédé. Ah non, non, ça, je crois pas en ça. Okay. Je pense qu'il peut avoir... je sais pas, mais je dis que c'est... Ça se peut qu'il y ait... Ça disparaisse pas à 100% la chimie de la personne, je sais pas quoi, le genre de... Comme scientifiquement, je sais pas, la réaction qui fait que t'es une personne, je sais pas quoi, mais de là à dire que ça va être genre... La personne est transparente. Ouais, non, non, non, c'est ça, exactement. Mais, non, c'est ça, le cliché du fantôme, je pense que j'y crois pas, mais si tu me dis, crois-tu au, je sais pas, aux esprits ou quelque chose, je ferais comme, oh, peut-être pas à 100%. Non, j'y crois pas, non, en fait, j'y crois pas. Ouais. Pas. Voyons. Ouais, c'est ça, mais ouais, dans le sens, t'es sceptique. Je sais, c'est ouais, tu me dis, si je serais à choisir entre les deux, je dirais j'y crois pas. Ouais. Mais il y a un pourcentage qui va vers j'y crois un brin. Ouais, c'est ça fait partie de l'espèce de petite naïveté d'enfant qui reste. Ouais, là, tu veux croire à des affaires de même. Ouais. Mais c'est comme, j'ai de la misère aussi à croire. Tu sais, il y a plein de gens qui sont comme, ouais, non, mais je crois que quand on meurt, c'est rien, point. Bam, plus rien. Genre. Ouais. Mais je suis comme, ouais, mais j'ai de la misère à. J'ai autant de la misère, je pense, à croire ça qu'à croire que c'est genre. Le paradis, tu sais, où t'es complètement. On dirait que c'est comme trop deux extrêmes, genre. Ouais. J'ai l'impression que ça se peut pas que ça soit. J'ai l'impression que ça peut être pas le fun. Genre, tu peux mal mourir ou quelque chose, genre, ben c'est tout croche après, mais t'es pas bien, je sais pas. Genre, c'est comme. Ça peut pas être si différent de la vie ou, je sais pas. Dans ma. Moi, je dis, tu t'incarnes juste d'un pigeon. Ouais, ça se peut. T'es un pigeon. T'es un pigeon, c'est tout. Les pigeons, c'est juste des morts. C'est ça, les morts, c'est les pigeons. C'est pour ça qu'il y en a autant. Ça va, puis il y en a, c'est ça. Ben, Chris. Ben. Maman! T'as pas de bonne mémoire, mais là, tu fais comme, Chris, le logo jaune en forme de deux arcs, ça me dit quelque chose. Je vais me tenir dans le stationnement. Ça, c'est un poule. C'est un poule. Un poule. Un poule. C'est un poule, ça fait cette son-là. Parce que, moi, d'après moi, c'est ça. Tu te promènes à Montréal, là, tu vois un gars qui te poignarde. Dernière image que t'as. C'est le gars qui te poignarde, puis tout de suite après, t'es un pigeon. Tu vois, t'es dans un nid, puis tu te fais nourrir des vers de terre mâchés. Yeah. Ouais. Vous l'aurez entendu ici. Ouais. Mine de rien. Hey, j'ai des notes. Ouh. Mine de rien, j'ai des notes. Moi, j'ai-tu noté de quoi dernièrement? Il me semble que j'ai noté un truc, mais je pense que c'était pas pour... Puis c'est tout bon. Ah, ben... C'est parce que je sais pas si c'est l'épisode 80 ou 81. Fuck it, j'ai même pas envie de parler d'anniversaire. Une affaire vite, mes voisins d'en haut, je pense qu'ils fument dans leur salle de bain, puis ils partent la fan, puis ça sort par ma sécheuse. Fait que ça pue la cigarette dans la sécheuse, c'est dégueulasse. Ah, nice. Hé, hey, ouais, mais ça arrivait, nous autres aussi, c'était arrivé... Quand t'étais sur le plateau? Non, c'est ça, non, c'est quand j'étais proche du métro Joliette. OK. Où ça prenait son air, je pense, c'est où la madame fumait ou quelque chose du genre. Est-ce que c'est pile ça, genre, tu vois, tu sais, la sécheuse, je sais pas comment c'est connecté, là, mais laisse pas ton linge là, parce que s'ils fument pas, ben, ils vont sécher des affaires, puis là, c'est ton linge qui revient humide, ça fait que t'as comme l'humidité partagée de tout le monde, c'est bizarre, on dirait que ça sort pas, on dirait que ça fait juste partager une crise d'air entre les trois sécheuses. Est-ce que j'aime pas l'odeur de cigarette qui reste sur le linge, genre, il y a quelque chose qui, j'associe l'odeur comme de cigarette fraîche, si on veut, à comme au festival de musique, puis des trucs comme ça, fait que c'est comme toujours un peu positif. Mais tout ce qui est résidu de cigarette, est-ce que ça m'écœure, genre? De quelqu'un qui sent la cigarette, ça pue, hein? Est-ce que ça pue? Non, ah, c'est ça. Ça. Excusez! Non, je crois. Mais, ouais. Tu as déjà fumé la cigarette? Ah, j'ai essayé une fois quand j'étais tout petit, je pense. Ben, tout petit. Tout petit? Tout petit, je... non, mais genre à peut-être 13 ou 14 avec un ami, genre. Okay. Une pof, j'ai fait. Non! Mais tu sais, j'avais c'est peur, ça. J'avais trop anxieux aussi. Hein. Comme, ouais. Je me suis dit, ah non, je vais me faire chicaner, mais je veux. Ça m'intrigue! Ouais, mais si je pense que le côté addiction fait tellement peur. Ouais, moi aussi, c'est ça. Jamais, il y avait ça aussi, j'avais peur de commencer à fumer ou je sais pas quoi. Ben, je sais pas quoi, c'est pas mal juste ça. J'avais peur de fumer. Ah, c'est ça. Hey, j'ai eu une idée tantôt de trucs pour semi-impro, man. Faut que je check si ça existe. Un headline generator. Genre, tu sais, t'as un nom de nouvelle généré, faut en parler, genre. Pas increasing conversation, what? Moi j'ai plein de. J'avais mis plein de liens d'articles de sujets de conversation. je vais les passer tantôt. Aussi. Title generator. Là j'ai l'impression. Je check mes notes là. Mais en fond, j'ai l'impression que j'avais pas besoin de les checker tant que ça. Puis je pouvais encore penser à des affaires. C'est bien compliqué. Le break your own. Ouais, mais c'est toi qu'il faut qu'il y ait. Ouais, ça existe pas. Bon. En même temps, c'est compliqué à générer. Mais Bran. Ben, il y en avait un, me semble, francophone, un générateur de headline. Ah ouais. Truc de faux journal de Montréal, peut-être, je sais plus trop. Ouais, mais c'est toi qui l'écris. Ça te fait comme un visuel. Ah, c'est écrit. Ouais, ok, oh, c'est pas pareil de voir. Ok, ouais. T'as envie d'écrire, moi, là. Les poulets volent. Je suis aussi inspiré que ça. Le poule. Le poule vole. T'aimerais-tu savoir ce que Facebook ou Google ou ces compagnies-là, ils savent sur toi? Hein? C'est quelque chose que tu veux? Hein? Tu veux-tu le cartable, genre, qui note tout? Non, je dirais, pouvez-vous tout effacer? Ouais, mais genre, je pense qu'il n'y a rien qui me gênerait ou quoi que ce soit. C'est juste une affaire que je pense qu'on est fait pour oublier, c'est pas pour rien, genre. Ouais. T'es pas censé te rappeler de genre absolument tout le temps. Puis, je sais pas. Mais tu sais, moins ce que t'as fait, plus que ce que t'es, genre. Ouais, c'est ça. Ce c'est le profil qu'ils t'ont fait de toi, genre. Tu sais, avec toutes les informations. Ouais. Tu sais, Google, il te suit toujours où ce que tu vas avec Facebook aussi. Tu sais, l'emplacement, puis avec ce que tu notes. Tu te rends compte que t'es la personne la plus plate qui a jamais existé. T'es comme tout le monde. Tu sais. Ok. Ben, j'écoutais un podcast cette semaine qui traitait un peu justement du mythe, tu sais, ce que Facebook t'enregistre. Parce qu'il y a beaucoup il y avait comme une rumeur qui disait que ça enregistre par le micro, puis ça t'entend parler, puis ça te présente des pubs, genre. Sauf que dans ce podcast-là, dans le fond, il expliquait plus que c'est pas. Il enregistre pas avec le micro, c'est pas fancy de même, mais qu'ils en font tellement d'autres, puis sont tellement on point avec leur analyse, genre, que juste par parce que tes amis font, par comment tu te déplaces, par ce que tu fais selon le temps de l'année, parce que tu checkes, parce qu'ils ont accès à plein de... Moi, je suis sûr, c'est genre beaucoup plus... Tu sais, c'est pas toujours par rapport purement à toi qu'est-ce que t'as fait, mais plus avec qui t'es ou ben t'es non, où. Non, c'est ça, exact. Ça, tout est pris en compte, tu sais. Puis Facebook, il expliquait aussi que Facebook, dans plusieurs sites, il y a un mini widget qui ça leur permet d'analyser ce que tu fais sur ce site-là aussi, genre. Puis à la minute que tu es logué sur une machine, ben lui, il va traquer sur ce site-là. Fait qu'il peut prendre cette information-là, plus l'information de tous tes amis, de ce qu'ils font, de leur déplacement, de leur timing, tu sais. Puis fait c'est à partir de ça. Puis ça, c'est tellement poussé puis bien fait que ça fait que, justement, des fois, tu vas parler de patates, puis là, t'as une pub de patates, puis tu penses qu'ils t'entendent, mais dans le fond... T'es juste un peu t'es prévisible ou t'as fait de l'inconscient, genre t'as peut-être cherché patate sur Google puis finalement t'as abandonné ou... Ouais, c'est ça. T'sais, c'est plein de micro-détails. Ouais, c'est ça, c'est le genre d'affaires qui vont faire qu'un année on va être comme écrit, ce qu'on n'a pas tant de choix sur ce qu'on fait. En fait. Au final, genre on est tellement prévisible, on est tellement genre juste une... pas une machine, mais t'sais, on est plus des réactions à tout ce qui se passe autour que purement genre des choix tout le temps, toi-même, que de l'impact sur tout ce qui se passe, je sais pas quoi. Parce qu'il y a... Il y a possibilité sur Facebook d'aller voir, en partie vraiment minime, là, le profil qu'ils font sur toi, genre. C'est vraiment... Puis là, c'est ça, je cherche, je sais qu'à l'ordi on peut, puis je sais pas sur mobile si ça se fait. Puis si ça se fait pas, je vais aller à l'ordi, mais... Mais ça fait juste, c'est juste comme, ok, c'est telle personne, t'sais, des informations... Obvious, là, tu sais, telle tranche d'âge, il fait ça, il voyage un peu, il a telle machine, il a accès à Facebook partout. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent savoir sur moi, je fais tellement rien à l'ordi. Je fais tout le temps genre. Tu serais surpris. Ben, je fais juste jouer et regarder des émissions de cuisine. Genre. Ben, si ça se trouve, ils l'ont profilé, genre. T'as peut-être full pub de cuisine. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Parler du compte, courant d'activité. Que je pense qu'on peut pas, hostie, sur mobile. T'as un peu, je vais checker à l'ordi. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça doit être des trucs. Ça doit tellement être comme une infinité d'informations qui ont l'air anodines que ça doit être dur d'avoir un résumé clair. Je sais pas, moi, tu sais. Tu dis, tu sais, c'est des informations anodines, mais de millions de personnes. Veux pas, t'en retrouves des patterns, puis t'en retrouves des affaires qui reviennent chez du monde, puis t'es capable de les splitter en disant comme eux autres qui aiment la même affaire, ils font à peu près le même behavior, tu sais. Ça doit être fou, là, tu sais. On va prendre mon micro, fuck it, on va essayer ça. Fait que dans Facebook, dans paramètres, à l'ordi, là, je sais pas sur mobile si ça se fait, puis ça va dans. C'est dans publicité. Dans publicité, puis t'as vos informations, genre. Puis là, tu sais, là, t'as les trucs. La première affaire, c'est à propos de vous, puis tu sais, ça dit situation amoureuse, employeur. C'est toi qui es mythe. Ça, c'est facile. Toi qui les a rentrés. Mais après ça, t'as vos catégories. Puis c'est comment Facebook te perçoit, genre. Comme là, tu vois, nouvel emploi, effectivement, j'ai commencé cet été. Utilisateur de Hotmail, accès à Facebook Android, acheteur actif. Accès à Facebook sur le 4G, sur le Wi-Fi. Utilise Chrome. Il joue comme... sur console. Tu sais, c'est anodin, mais c'est quand même des précisions. Mais c'est quand même pas... T'es regardes, c'est comme, c'est pas des affaires que tu fais comme « Comment ils ont fait? » Non, non, exact. Ça, c'est tout évident. Ouais. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. Ouais, ça montre rien de ce qu'ils ont pour vrai. Ouais. Tu sais, ça... Ce qu'ils ont... Je serais curieux de voir. Je sais pas. Ouais. Parce que tous les sites peuvent savoir des affaires de plus sur toi, là. Oui, oui. T'sais, genre, juste, c'est sûr. Genre, mettons... Les sites de porn aussi, genre, ça doit être... Ben, qu'un. Tu sais, genre, ils savent la personne exactement, genre... C'est fou. Mais je sais pas, il traque-tu vu que... J'imagine que quelqu'un de moindrement wise va aller en incognito. Évidemment, il y a des cookies. Mais incognito, ils savent. Ils ont les mêmes... Eux, ils ont les mêmes infos. C'est juste, c'est toi, c'est ton ordi qui ça enregistre rien. Mais en même temps, ils peuvent pas... J'imagine ouais, mais ça, ils peuvent pas... Builder, pas ouais. C'est ça, ils peuvent pas builder sur une personne. Ouais, parce que ça peut être plusieurs personnes. J'imagine que tu peux le IP, ouais, peut-être, là, en te fiant à ça. Je pense que c'est tout ce qu'ils ont. Fait que moi, je sais pas comment ça marche. Mais... À part si t'as un compte dessus. Genre, t'es payant ou je sais ouais, pas. Ouais, ouais, non, c'est ça. T'as l'option de tout effacer ça, tu le fais-tu? Genre, ok, non, moi, puis c'est fait, là. C'est vrai, ouais. Puis c'est pas fake ou c'est pas une affaire. Genre, c'est comme, tu peux effacer tout, puis ils ont plus rien sur toi. Ouais. Pour mais vrai. C'est pas, c'est le genre d'affaire que. Ben, une partie de moi qui s'en crisse un peu, ouais. Je me dis, ouais, mais tu sais, j'utilise. Que je veux. Tu sais, dans ça, c'est des affaires qui fit avec. Ce qui est clairement mes centres d'intérêt aussi. Il y a ça, mais il y a aussi, bout de ligne, tu utilises des services qui sont entièrement gratuits, ouais. Couramment. Là, Google, j'utilise beaucoup de trucs. Ouais. Je veux dire, mon téléphone sur Android, ouais. Gmail, toutes les applications, parce qu'après, Google Drive. C'est qu'après, c'est dangereux, vu qu'ils ont le contrôle de... T'sais, s'ils veulent targeter un groupe et influencer ce groupe-là, ils peuvent. Non, effectivement. Il y a ça aussi, hein, c'est ça qui est dangereux. Ce qui est sûrement le cas. C'est genre... De pas être purement genre gentil. Ben non, c'est sûr que non. C'est pas de même que ça marche. Ben non, surtout si ça influence les pubs, ce que ça te montre par rapport à ce que des amis ont fait. T'sais. Non, c'est ça. C'est dans le fond, c'est une façon brillante en crise de faire de la pub. Là. Ouais. C'est brillant parce que tu cibles, je sais pas, une pancarte sur une autoroute que tu penses que du monde va passer. Mais c'est même plus le même concept de pub. Non, c'est ça. Tu trouves pas le truc qui va faire que tout le monde va acheter, c'est juste trouve le moyen que chaque personne ait sa pub qui va le marcher pour lui. Là. Puis tu peux le faire aujourd'hui. Là. Non, c'est ça. C'est fou. Puis c'est précis, là, quand même. C'est drôle parce que. Ouais. Quand j'ai acheté le Raspberry Pi, puis je checkais des affaires dans le même, là, il y a beaucoup de pubs de Raspberry Pi. Puis il y a aussi beaucoup de pubs de clones poches de consoles rétro. Ouais. Et encore, Alice, là. Est-ce que tu joues pas ton faux NES dégueulasse? Mais des fois, je me demande à quel point. Ouais, ils doivent jouer sur le... Tu sais, ils savent qu'une personne hésite dans quelque chose, fait qu'ils te blastent de. Ben oui! Tu sais, parce que c'est ça. Ils savent, ils ont tout. Tu regardes une fois un type d'item précis, tu le tapes. Là, boum, t'as des pubs. Ils savent, parce que justement, vu qu'ils ont accès à ce que tu fais sur d'autres sites, quand c'est leur espèce de cossin, tu mets de quoi dans un panier, puis tu l'achètes pas, ils ont quand même, ils savent parfaitement que t'avais une intention de peut-être l'acheter, puis t'as mais décidé que non, ils vont te shooter de mais ça. C'est tellement. Tu sais, c'est pas pushy, mais c'est. Ils laissent pas aller rien. Tu sais, c'est quand même Amazon, tu mets de quoi dans ton panier, tu t'en vas, tu vas avoir un email, et il y a ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Merci. Tu vois, tu m'as le rappelé. Ouais, c'est ça. Il est pas plus en rabais, je le pense. Non, c'est ça. On t'en sort dans ton cart. Ces trucs qui ont changé de prix sont plus chers. Bon, ben. Mais je sais pas à quel point on va être capable de s'habituer à ça. Tu sais, d'être un peu plus comme. Tu le sais que c'est targeté, fait que tu fais attention, genre. Parce qu'en même temps, il y a le côté. Tu contrôles pas non plus tout comment tu perçois. Fait que c'est, si tu es pas tout le temps, tu vas être poussé à plus vouloir la chose que t'as vue. Ouais. Je sais pas. Je sais pas à quel point je pense que la majorité du monde ne vont pas se poser cette question-là, vraiment. Ça va juste marcher tout le temps. Ouais, je sais pas. Mais ouais, j'imagine. Bon, ça va aller jusqu'à un extrême, puis un moment donné, on va faire comme non, comme les loot box, hein, ce genre de. Mané, il y a quelqu'un qui va pousser trop loin, puis tu vas faire ben alors, c'est plus drôle. Ouais. Ouais. Ouais, peut-être. Ben, en tout cas, mais c'est ça, mais l'affaire, c'est qu'il faut se rendre là. Parce que c'est souvent. Ouais, ça sera pas contrôlé avant. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est le genre d'affaire que tu te dis, ouais, c'est pas le fun, mais en même temps, si la compagnie le fait pas. Elle va pas être capable de continuer parce que les autres le font. Ouais. Faut que t'essayes peut-être de trouver une autre méthode, mais rendu là, c'est. Pauvre compagnie. Ouais, c'est. Pauvre Google. Mais c'est ça, ça me dérange pas tant. Parce que c'est pas. Tu sais, on s'entend, c'est quand même des ordis, puis des machines, puis des systèmes. Là. C'est pas un monsieur qui check des cartables de ma vie, puis après ça, il sélectionne des affaires. T'sais. Là, je serais plus gêné. Mais tu sais, là, c'est tellement. c'est drôle parce que, tu sais, en bout de ligne, ça a l'air plus personnel, mais ça l'est pas du tout, tu sais. Ça l'est aucunement, là. C'est juste une analyse de behavior, puis ouais, c'est ça. Ça te dit. Tu fites dans un profil, puis lui, ça doit être un gros geek. Bon, ben, c'est ça. Je vais y envoyer des hosties. Non, c'est ça, ça doit être bien plus. Ça doit rien donner de savoir exactement une personne. Ben, quoi, peut-être de plus ça va aller, plus ça va être ça. Ouais. Ouais, parce que c'est tellement galère de s'adapter, genre, à chaque personne précisément. Ouais. Oh. Ouais. Et là là. Ouais. Hey, c'est sérieux aujourd'hui. Ouais, c'est du sérieux. C'est du sérieux, hein. Mais ça me parle de ça. Parce que moi, tu sais, tant qu'à moi, je mets des caméras partout, je m'en crée souci. Ouais. Je suis plus. Tu sais, je comprends. La vie privée, tu sais, pas chez nous, évidemment, tu gardes une limite. Mais partout en ville, pour vrai. Christmas-en. Ouais, moi, j'ai pas de problème non plus. Tu sais, je me dis comme. Ouais, mais là, tu sais, privé, pis tout. Ouais, mais encore une fois, c'est pas un monsieur qui va te suivre. Quoique, ça peut. Ça, c'est un système qui peut être abusé par tout le monde, là, c'est clair. Non, c'est ça. Il y a quelqu'un quelque part qui va stalker du monde. Ben, pas de le fun, mais c'est un poids de moins de savoir que si je tombe, mettons, il n'y a pas une vidéo de moi qui tombe. Non, non, c'est ça. Non, c'est sûr, exact. Mais tu sais, s'il y a un crime quelconque, puis ça arrive, comme on a les tapes, puis c'est ce doute-là, puis tu vas le chercher, puis c'est tout. Ouais. Tu sais, puis ce côté-là, je trouve ça intéressant. Puis je trouve que le prix à payer de toujours être filmé, genre. Ouais. Tu sais, je dis pas si ça serait en diffusion, genre, resti, comme tu vas sur un site, puis tu tapes, là, OK, tu peux regarder avec le feed de telle caméra. Ce qui pourrait arriver aussi, j'imagine, parce que c'est n'importe qui peut hacker n'importe quoi à cette heure. Mais en tout cas, on dirait que je suis plus. Peut-être que on dirait que je give up des affaires. Là, comme, mes informations manqueraient, puis oh, fumez-moi. Ouais, mais c'est le genre d'affaires que ouais, peut-être qu'à un moment donné, tu fais comme. Okay, finalement, c'est ça. Peut-être qu'on n'a pas atteint où que j'ai pas été confronté avec le vrai problème que ça amènerait. Mais on dirait que de mon point de vue, là, je fais comme. Oh, je fais le pour et contre de ce que ça amène. Ok. Je ne fais pas rien d'illégal. L'affaire la plus illégale que j'ai faite dans la rue, là, c'est que j'étais sous et j'étais allé pisser dans un parking. Ça m'a amené. J'ai fait ça une fois. Je revenais d'un party chez quelqu'un puis j'allais pas rentrer chez nous. Puis j'ai bien fait ça. Pas pisser sur un char. Là. J'ai pris un coin sans ombre. Puis tu vois, c'est pas extrême. Là. C'est ça, moi, mon anecdote forte d'illégalité dans la rue. Nice. Ça, c'est mon top. Là. Je mène une vie assez tranquille et sans tumultuation. Ouais. Jamais. Dis tout ce que t'as fait d'illégal ici. C'est pas enregistré, là. On est juste en train de. Non, pour vrai, non. Je pense que j'ai sûrement déjà pissé quelque part qu'il fallait pas. J'ai pas pissé. Faut que j'aille pisser. Là. Ouais. Mais en acte, tu fais un mon gars, ici. Je sais. Ben, je vais remplir les verres d'eau pendant ce temps-là. Veux-tu une bière? Non. Non, j'en ai bu hier. Ouais, c'est ça. I'm good. Bye. Ben, tu peux. Ouais. C'est pas grave. Moi, j'avais plus envie. T'es allé? C'est bon, ça. On a vendu 2 heures. 5! 5! Il y a un chat qui est rentré. Ah non, pas lui en plus. Dernière. C'est merde. Ça, je l'ai tout le temps, là. Il est partout. Petite couche, il est là. Il est omnipotent. Ah, il est partout en même temps. Mais il est vraiment tout le temps là, sérieux. Ouais. Genre, c'est fou, hein, ce chat-là, il a de la présence. Ouais, quand même, ça enlève 10 minutes là-dessus. On a un bon 40 minutes solides, je pense. 35 peut-être. Ouais. Hey, Kim. Ouais. Fait que épisode rocambolesque, on s'en va où après ça? C'est drôle comment ça me déboussolait à l'eau toilette. Ouais, moi aussi, ça a tout coupé. On avait un bon flow, le Chris, que là. Astique. Mais c'est, on dirait, il y a de quoi de mêlant de le faire en personne. Puis différent. Mais j'aime ça pareil. Ouais. Puis il y a de quoi de plus direct. Puis il n'y a pas le petit délai de Skype de Calis. Non, il y a ça. Fait que ça, là-dessus, ça vaut 1000$. Un moment donné, je vais peut-être investir dans de la gear pour vrai, mais pas là. En même temps, il y a le fait qu'il faut se déplacer, puis ça, on fera pas ça toutes les semaines, je pense pas, parce qu'on va se tanner. Surtout pas en plus, ça va loin. Loin. Loin. Quasiment un autre pays, ça. La rive sud, ouais. Excusez-le. C'est quasiment, c'est vrai, faut passer les douanes, puis tout, là. Mais j'ai mon passeport, il est encore valide jusqu'à l'année prochaine. Ah, nice. Tuna, boréal noir. Nice. Goûte le beef jerky. C'est bon, ça. Les foncés, c'est. J'ai un trip de stout, c'est ainsi. Stout. Des stout. Non, c'est pas, j'ai pas un trip de stout, mais j'aime les stouts. Fait que c'est en général, c'est pas un trip. Non, c'est ça. Ok, bon. Ben, il n'y a pas beaucoup de bières que j'aime. Non, c'est pas. Les bières que j'aimais moins, je pense que c'est genre. Comme style Bud, tu sais. Blonde, ouais. Lager, pis. Oh. Même pas cheap, j'aime pas. J'aime pas tant ça. Je connais tellement rien des bières. Hein. Pour vrai, je connais fuck out. Je sais à peu près. Quand sont foncés, on dirait que j'ai tendance à plus aimer ça. Ouais. Pis c'est tout, tu sais. Partie de rousse en montant, pis ça varie, pis je sais pas. J'ai tellement pas développé le. Je sais pas si c'est le palais ou je sais pas quoi, mais tu sais. Ouais, mais je pense, ouais, c'est quelque chose. Je suis capable d'apprécier ouais. qu'elle goûte bon, mais je peux pas te dire pourquoi j'aime ouais. ça, t'sais. Mais c'est ça, ouais, je pense que ça se développe. Ouais. Comme la sauce piquante. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, c'est genre, ça doit être le même principe, c'est juste, c'est comme l'amertume que tu finis par couper un peu. Ouais, mais l'amertume égale rage bien rancune. L'amertume signifie broyer du noir. Nice. Failli acheter de la Fort Loco. Le dépanneur, il est plein, les tablettes sont à côté, pleines, ah, j'ai failli comme faire... Je crois que je prenne deux cannes de ça, et comme fait, ah, t'as la crise. Ouais. C'est sûr que ça goûte la crise dans la boîte, là, pis que... Ouais. C'est pas ça, un canne, ouais. C'est pour les revendre. Wow, what the fuck? Quelqu'un me passe de Steam. Attends, je vais enlever mes adresses. Aye, pas mes ouais. adresses, pis... Mes adresses. Ouais, je vais enlever mes adresses. Asti. Il s'en va dehors, il arrache les chiffres de sa porte. bon, excusez, là. Parce que mes notifications sont à on. Parce que tantôt, tu m'as demandé où c'était où l'adresse pour venir ici. Je te l'ai pas dit. Fait que j'avais déjà enlevé l'adresse avant même de. Puis là, j'avais mis mes notifications pour que tu m'en parlais. Hé là là. Hé là là là là là là. Pof, hein. Sorbet du caractère mou. Sorbet du. Ben, Chris, on va parler de ça. Cette semaine. Ou plutôt, il y a deux semaines. Cette semaine, beaucoup de d'éloges envers nous. Étonnamment, ça arrive tout en même temps. Ah ouais. Premier truc, ben, deux, peu importe l'ordre, mais. Pierre-Luc Delisle du 3345 nous a dédié une chanson à nous. C'était quoi? C'était une toune des Frères Brosse, un groupe d'humour des années 70 que je connaissais pas tant, mais qui est comme un offshoot d'un ancien groupe de avec Claude Meunier dedans. Okay. Puis ça a splitté par après, puis il est plus là-dedans, puis c'est d'autres mondes. Mais en tout cas, c'est fucked up. C'est comme en même temps que Paul et Paul, puis d'autres affaires. Là. Ça, je m'informe plus. Mais c'est une toune, c'est la toune, le trip des freaks. Okay. Puis c'est un clusterfuck de chansons, genre, c'est du random, tu sais, quasiment style Denis Drolet avec de la musique comme borderline prog, années 70, okay. Là, c'est weird, avec le style marimba bizarre, je sais pas quoi. Là. As-tu vu mes popsicles dans le frigidaire, Bonnie? Alors, regarde ma chauffrette électrique est pétée. Mes poissons bic. Mes livres de Robert Charroux. J'ai toute la collection, Bonnie. Oh, wow! Mais c'est très cool. Puis c'est drôle parce que, tu sais, tu vois, tout le monde qui essaie de décrire notre podcast a de la misère. Ouais. Tu sais, ouais. Là, ok, j'ai dit une tonne sur votre caractère mou. Puis c'est comme. Toi, c'est ça? Comment? Toujours personne ne sait trop pourquoi on aime ça, mais on aime un peu ça quand même. Mais ce que je trouve fascinant, quand des gens nous décrivent comme ça, de manière vraiment positive, tu sais, puis qui cherche vraiment une façon de bien l'écrire, c'est tellement, ça sonne tellement mieux que c'est, dans le sens, ouais. Ça sonne tellement comme, on dirait qu'on réinvente de quoi, ouais. Tu sais, comme, là, tu sais, ils font de l'impro, puis, tu sais, c'est sûr que si quelqu'un y va avec, en écoutant, en ayant entendu ces affaires-là, puis il l'écoute, il fait comme, parce que Steve de Jamais Content a passé dans le stream cette semaine, puis il nous a mentionné, un moment donné, il parle, je sais pas trop, blair, les sorbets, puis là, Yann, il dit, c'est quoi ça, les sorbets, je connais pas ça. Puis il fait comme Chris. Puis il a dit tellement de quoi de beau, genre, je sais pas trop quoi, mais genre, c'était tellement borderline poétique, genre, puis on est méta, puis si, puis ils font ça, puis là, comme tabarnak, genre, c'est ouais, mais peut-être, mais. Ouais. Tu l'écoutes, je sais pas si tu l'as. Je sais pas. Peut-être que quelqu'un qui aime vraiment ce qu'on fait, je pense qu'il y a une connexion assez spéciale qui se fait. Ouais. Que quelqu'un qui n'aura pas cette connexion-là, ça va être juste la définition que moi j'ai en tête, mais je suis tout le temps autodestructeur dans ce que je fais. Fait que ça serait genre deux gars qui parlent puis qui se trouvent drôles. Ouais, moi aussi. Genre... Moi aussi, c'est ça. C'est du monde qui essaye vraiment fort d'être drôle. C'est ça, qui ont de la misère. Pour moi, c'est ça. Genre. Mais j'imagine si t'as. Peut-être quand tu rentres dans la bulle puis que. Si j'avais à mettre un truc, je pense. Je dirais deux personnes, peut-être sympathiques, qui essayent d'être drôles. Genre, on n'est pas, tu sais, parce qu'on n'est pas. On est doux, tu sais, on n'est pas du monde qui chiale fort, mais que genre qui est comme non, c'est ça. Tu sais, même des trucs à concept qu'on va faire, c'est jamais poussé à un point que tu sais, ça réinvente rien. Peut-être parce que c'est juste assez à côté de ce qui se fait d'autre que c'est peut-être plus frais, je sais pas. En tout cas, à chaque fois que quelqu'un essaie de décrire, il y a quelque chose de tellement honnête qui se passe dans la description. Ouais. Tu vois que ça se force pour que ça soit bien décrit, ouais. Puis que ça se rend compte. Fuck, ça, tu peux pas vraiment le décrire. Non, tu peux pas vendre ce show-là. Ouais, ils sont bien le fun. Ils sont vraiment sympathiques. Écoute-les. Hein, j'écoute, c'est pas bon. Non, mais attends, écoute un autre, tu vas comprendre. Là. Ouais, it's a slow burn. Ouais, je pense que c'est fou. Il y a de quoi qu'il faut que tu comprennes, que tu piges en les écoutant, puis ça se décrit pas. Non. Mais là, c'est, en tout cas, c'est ultra introspectif. Mais juste parce que, bref, merci Steve, merci Pierre-Luc. Cette semaine, ça arrive tout en même temps. T'as des mentions partout, des belles mentions comme c'est pas eux autres du Golden Moose, c'est merde, ça aurait pu être ça. Ouais. Mais c'est pas ça. On doit être. En même temps, si ça avait été ça, il ne l'aurait pas mentionné, je pense. On pourrait le faire au-dessus du mention. Non, je sais pas. On mentionne rarement d'autres podcasts. Mais j'en écoute pas. Et à part, tu sais, j'en écoute des fois en anglais, mais c'est vraiment des. C'est souvent plus des trucs précis qui parlent d'un sujet en particulier que des trucs plus juste pour les personnes qui le font. Moi, c'est vrai, je suis plus l'inverse. Je vais écouter des podcasts à cause des personnes plus que le contenu. Ouais. Mais loin, ces temps-ci, j'ai de la misère. J'écoute 2-3 réguliers, maximum 4, puis il y en a plein que c'est comme okay, à un moment donné, je vais tomber dans un trip plus podcast, puis je vais les rattraper. Ouais. Mais là, je suis plus musique. Je sais pas que j'ai envie ces temps-ci. Ouais, moi aussi. J'ai de la misère à trouver ce que j'écoute. Ouais, non, c'est vrai. Je me suis remis à jour dans Stuff to Blow Your Mind, puis Stuff You Should Know. Il y a genre 20 épisodes de chaque. Toi, il y a un podcast avec Stuff. Ça vient du même site, c'est le même, le même groupe. Stuff Shock. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais Stuff to Blow Your Mind, c'est des trucs un peu plus. Les deux sont scientifiques, mais c'est des affaires un peu plus whack, des fois. Ok. Genre. Attends, je vais donner des exemples de. Parce qu'il y en a un qui s'en vient aussi, je pense, en québécois, qui va sortir Stuff Ella Callis. Stuff to Blow Your Mind. Donc, c'est des trucs genre. Ils font les. Des fois, ils parlent de un peu de geek culture, mais plus scientifique, genre le premier monstre, d'où ça pourrait venir, okay. Puis, comme culturellement, tout ça. Des ghost stories qui un peu partout dans le monde. Après ça, ils parlent, mettons, de It, la science en arrière de ça. La science ou l'histoire, je suis plutôt sûr. Puis l'autre, c'est plus scientifique, mais des. Attends, je ne le trouve plus. Du gold, ce bout-là. Ouais, mais genre, bref. Stuff You Should Know, c'est genre comment la phobie de vomir marche, comment le toy testing fonctionne, c'est quoi le nucléaire forensique, okay. Des trucs comme ça. C'est plus random. Pas random, mais c'est plus juste des comment ça marche. Ouais. Mais y a-tu quelque chose là-dedans que, nature que t'as écouté, puis t'as vraiment trouvé plus fascinant que les autres, t'as fait comme what? Genre, t'as fait comme shit, ça m'intéresse donc bien. Puis rien formé. Qui m'a marqué assez pour m'en rappeler là. Ben, c'est souvent des trucs que j'écoute. Genre, j'en écoute beaucoup ben, en travaillant ou en allant me coucher ou en courant, fait que c'est. Ouais, je fais chier à la table. Non, c'est correct. Mais. Moi, chez vous, j'arrêtais pas de m'accoter sur la table pour l'entendre dans le micro, est-ce que ça gosse. Mais ouais, ça fait que souvent, c'est. Je me rappelle même pas genre d'un centième de l'épisode. Ok, ouais. Comme le First Monster, je sais que je l'ai écouté, mais je peux même pas te dire de quoi ils ont parlé. C'est plus des fois pour avoir quasiment du bruit de fond. Ouais, il y a Giant Bomb, tu me parlais, c'est ouais, ça? Ouais, ça Giant Bomb, c'est bon en bruit de fond, c'est vrai, vu que c'est tellement lousse, puis c'est long, ça, 3 heures de... Ça, c'est un podcast, t'écoutes quand faut t'aimes le monde, là. Ouais. T'as pas le choix, parce que c'est que eux, ils parlent quasiment plus de jeux, puis ils parlent d'ailes de poulet, astie, pendant 1h30. Ou de céréales, dans le dernier. Ah, ils en parlent pendant genre 20 minutes, là, c'est quoi... Puis un moment donné, Jeff, il fait même, ok, là, on est rendu à juste, on nomme juste des sortes de céréales, parce que ça part de Mario, parce que c'est Mario qui sort le. Ben, Nintendo sort les céréales de Mario. Ouais! Puis là, il embarque. C'est sûr que je vais en acheter comme une crise de grosse pute si j'en trouve à l'épicerie, là. Ça a l'air que ça goûte les cheap Lucky Charm. Déjà que Lucky Charm, c'est cheap. Des crises, ça doit être délicieux, hein. Ouais. Et là, genre. J'arrête pas de parler, genre, de qu'est-ce qu'il aime, puis là, ça arrête juste plus. Ils sortent juste tout le temps des sortes de céréales, puis ça fait genre, ok, là, on fait juste nommer des céréales. Go, nomme des céréales. Ok, ben, on fait comme eux, toi, tes céréales. Tu manges encore des céréales régulièrement, ouais. Ben, ça vient par phase, on dirait. Il y a un bout, je mangeais juste des toasts. Ouais. Mais là, dernièrement, non, tout le temps des céréales, j'aime vraiment ça. Quelle sorte, c'est en ça dépend, mettons des sucrés. Corn Pops, non. Non, des Crave. C'est genre les moins bonnes pour la santé, man. Ouais, c'est genre c'est un peu Capitaine Crunch-ish, mais avec du chocolat dedans, genre. Ok. Oh shit. Man, c'est tellement bon. Sinon, des Raisin Bran, je suis vraiment à plate, mais si j'aime ça. Ouais. Mais pas les... Cette semaine, on a acheté des... C'est-tu Chouette du Président? Je pense que c'est le choix du président au menu. Tu sais, le bleu, là. Les... Ouais, ouais, ouais. Menu bleu. Ouais, je sais plus. Mais bref, c'est Load of Resins. Ok. Mais il y en a trop. Il y en a juste trop des ben, raisins, le, man. Il te le dit dans le nom. Okay. Tu peux pas faire comme un baby. Ouais, ouais, tu, peux comme... juste, tu peux juste approuver le titre de la boîte, là. Il aurait pu aller avec deux pelletés de raisins secs. Mais c'était peut-être des Christy de grosses pelles, là. Grosses pelles mécaniques avec deux, trois flocons. Il y en a trop, hein. Ah, c'est... à la fin, je suis juste plus capable. Mais... Ma sorte préférée est tellement plate, genre, c'est dans les Nature Pats, des petites crisses de boîte qui sont chères, là. Il y a deux sortes de Nature Pats que j'aime beaucoup. Il y a les sacs, puis Nature Pat à cannelle. OK. Puis en jamais, hosti. Tant les autres sortes, hosti, de l'autre au blé d'Inde, là. Chris, je veux donne-moi celle à la cannelle, calice. Puis sinon, t'as les petites crisses de boîte qui sont vraiment chères, mais elles sont tellement bonnes, là. C'est Nature Flax ou je sais pas quoi, okay. Là. Hosti, qui goûte bon, genre. C'est l'affaire naturelle que je trouve qui goûte le mieux. Ah ouais. Que j'ai jamais goûté. Ça goûte genre juste la céréale. Je sais pas que ça goûte, okay. Mais j'imagine qu'il doit un peu de miel ou je sais pas okay. Quoi, mais Chris, ouais. Que c'est, cette sorte-là est bonne, genre. Nice. Nature Flax, je sais pas quoi, là, hosti. Puis c'est ça, je n'achète pas souvent parce que c'est des petites crisses de boîte, puis j'ai tendance à faire des gros bols, là, tu sais. Ouais. Fait qu'à deux bols et demi. Genre, tu okay. Comme Chris, une boîte à 10$, ouais. Deux bols et demi, ça fait pas des gros déjeuners. Puis tu sais, je devrais juste en manger moins, mais là, j'ai pas des petits bols manger ça. C'est bon. C'est pour ça que les autres, ils font des hosties de céréales fluffy qui ouais. Prennent toute la place, là, gonflées. Des Sugar Crisp aussi, c'est fucking bon, man. Oui, j'ai jamais acheté de Sugar Crisp. C'est moi. C'est dur à dire. Hein? Moi, j'ai jamais assez de Sugar Crisp. Ouais, mais c'est bon, ça. J'ai jamais acheté. T'aimes-tu le lait de céréales? Dépend des céréales. Ouais. Mais en général, tu le bois tout le temps? En général, je m'arrange pour pas que ce soit une flotte. Ouais. Genre que ce soit pas juste du lait avec okay. Deux, trois morceaux qui flottent à la fin. Il reste juste un mini-fond, genre. Oui, oui. J'aime quasiment ça. Il se montre qu'il jette. Ça, je comprends pas, man. Des déchets. Voyons donc. C'est de la bouffe, genre. Ouais, c'est du lait. Ouais. C'est bon, du lait. Je comprends pas. Crise de maillet, mais en moins, ouais. Si jette. Ouais, tu sais, je comprends. Des fois, c'est genre, tu sais, c'est comme les laits. Mais il y en a, c'est pas bon, le lait. Genre, ouais. Je sais plus quelle sorte, mais il y a du lait. Il y a du lait de céréales, là, qu'à la fin, ça goûte vraiment le style d'ombre. Ouais. Ouais, ça, ou quand c'est le fond. Puis ça laisse comme une poudre, puis la poudre, ça vient genre une sludge dégueulasse dans le ouais, fond. Ouais, ça, là. C'est pas le fond. Ouais, il y a pas... Là, ouais, c'est ça, il faudrait que quelqu'un invente quelque chose. Ouais. Un genre de tamis à céréales que tu peux... Quelque chose du genre. Parce que j'avoue qu'un fond de sac de céréales, c'est comme ouais. Désamorcer une bombe quand tu verses ouais. Tes trucs. Tu veux pas le faire one shot parce que tu dis que ça main. Va tout tomber quand tu vas la main. Pyramide. Ouais, tu shake un peu, t'es mec. Ah, oh, j'avoue. Dans notre garde-manger, il y a genre 4 fonds de resin brand, un des pires, ça fait... Le fond est dégueulasse, puis il y en a tout le temps beaucoup de poudre. Je pense qu'il en reste là aussi des vieilles céréales. C'est drôle comment des céréales, quand je me tanne, je finis pas à boire. Ouais. Ça, c'est comme juste, bon ben... Elle je me tente plus. Fait que c'est ça. C'est Chris, on va la déménager c'est quatre ça. Fois. C'est ça, si ça se trouve, on va la déménager de cette cossin de Chris. C'est toujours ça. Esti, ouais, je sais pas. Ben, j'ai hâte de faire. Justement, on déménage dans un mois et demi, j'ai hâte de faire le tri là, ouais. Du cossin. Genre, déjà, tu vois, il y avait un radio là. Puis les crissés au vidange. Puis ça m'a fait nice. De quoi? J'ai fait comme oh, j'aime quand même un peu ce radio. Ouais, c'est ça. J'ai fait en même temps, c'est un ouais. Petit gros cossin. Ah, des fois, c'est dangereux aussi cassette. D'embarquer dans un. Ah, que je jette tout! Un moment donné, j'avais un écran que j'avais gardé pour faire un genre de truc MAM, là. Ben, de démulateur. Ouais, ouais, ouais. Genre de mini arcade. Ouais, un moment donné, j'ai comme, ah, fuck, il y a déjà le jet. Ah, ouais. J'ai regretté, man. Ouais, si, Chris. Ouais, puis là, mon frère, il y en avait un de spare, fait que j'ai pris lui, mais là, il n'y a pas le power supply pour. J'ai comme, Chris! Ah, non! Ouais, c'est un autre modèle, genre. Cool. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas. C'est okay, un spécial, okay. Genre. Ah, c'est con, si ouais. On s'arrêtait été correct, si juste dans. Non, non, non. 15 d'une boîte, ça. 15 là, je pense. Ouais. Non, c'est la crête, mais ouais. Dans la boîte en dessous du label maker. Ouh! Ça, c'est blague, il n'y a pas rien qu'on peut faire avec ça d'un label maker non. Dans un podcast vu que c'est audio, mais c'est le fun d'en créer sur un label maker. Ouais. Comme tu vois, là, il y a un beau cadre acheté chez Winner. Ouais. Là, il y a un label en dessous collé sur le mur. Que j'espère qu'il décolle bien, c'est pour que ça arrache la main. Mais là, on le voit pas à cause du bout de ma guitare de Rock Band, mais c'est écrit « Chien au popcorn ». Ah, nice. Puis c'est une toile d'un chien avec du popcorn, puis des lunettes, puis un... J'ai l'impression que si t'imprimes Poupou, il y a sûrement une place qui peut être vraiment drôle à le mettre dessus. Ben... Je sais pas. On ferait imprimer un Poupou tantôt, que tu le colleras chez vous, voir. Puis tu le dis pas à ta blonde. C'est juste marqué Poupou. C'est que nice. Nous autres, tous dans la cuisine, il y a des labels dessus. Le sel, poivre, la hotte, c'est marqué Jabba de hotte. Ah, moi, c'est ça. Comme quand j'ai acheté des googly eyes. On est collé partout, man. Mais partout. En plus, c'était même pas autocollant. Il fallait que je découpe du tape, je le roule, puis pour je vrai? Le mette en arrière. Ouais. Il y en a encore deux sur notre laveuse. Fait que quand elle part, les petits yeux, ils shake. Ouais, bah, elle shake pas tant que ça, fait que non. Non. Mais c'est juste. T'sais, d'autres, tu shakes, c'est des vieilles calices de laveuse. Nice. Des avec ça. Je les ai mis sur le panneau que tu tires, le genre de tiroir à savon, là, où tu mets le savon pour le dispenser à savon. Là. Tu sors. Vous autres, vous avez pas ça. Mm. Ouais, vous avez toute une laveuse frontale. Ouais. Ouais, c'est peut-être comme un petit tiroir que tu tires pour mettre le savon dedans. Ouais, nous autres, c'est la cuve normale là, de verticale. Là. Ouais. Cochonnerie. Ça fait, c'est ça qui est drôle parce que ça venait. C'était à la propriétaire ici de la laveuse sécheuse. C'était notre seul électro que c'était pas à nous autres. Ouais. Mais là, comme elle a vendu, on se l'est dealé. Genre, on va repartir avec. Vieille affaire journée. Mais tu sais, il marche hein, ouais, pour l'instant. Le gros défaut, c'est pas de la faute de la sécheuse. C'est à cause des voisins qui fument. Mm. Fait qu'on espérait qu'elle pue pas la cigarette là-bas. Ouais, il devrait pas. Parce que là-bas, en tout cas, ce qu'on s'en va, là, ça a l'air là, qualité, genre un condo bien fait. Là. Ouais. C'est pas un condo, mais ça a l'air fait comme genre okay. Tout est neuf. Type, tout est comme cool, calculé. Ça va être. Crise de bon step-up d'ici. Là. Ouais. C'est plate parce que je n'ai parlé, mais tu sais, j'aime le quartier ici, mais avec la construction puis l'échangeur turco. La vue, on le voit par ma fenêtre, c'est dégueulasse. Ouais. Ça, c'est notre vue. Là, Chris. Ouais. Tu vois, gros échangeur, puis les vitres sont sales, le tabarnak. Là. Ouais. C'est agréable, c'est ouais, Henri, c'est le fun. C'est Henri. C'est Henri, ce qui chaîne le plus, c'est la pizzeria Adamo. Ah ouais? Ouais, les bonnes pizzas style New York, mais avec une petite grosse calice de boîte. Style New York, c'est mince-mince? Mince-mince, ouais. Okay. Mais elles sont bonnes en Chris. Ouais, si vous êtes dans, Saint-Henri, pizza Adamo, ouais. Ils livrent pas, sinon j'aurais fait venir à soir. Est-ce que ça aurait été cool? Mais Adamo, comme le gars dans Occupation Double, Mathieu. La ah, tu suis saison, pas. Ça? Non, c'est cette ça. Saison-là à Bali, mais tu suis pas. Non, j'ai écouté, je pense, les deux premières saisons. Ouais, ça a commencé. Pense... Moi, dans ce temps-là, j'écoutais plus Love Story. J'avais écouté la première saison de Love Story, je pense. C'est tout. Parce que là, je pense que la première fois que je suis Occupation Double. Ah ouais? Puis je sais pas, il y a de quoi, tu sais, c'est con. Parce que tu finis par embarquer un peu. Ben, c'est ça, mais tu sais, la télé-réalité, c'est sûr, genre, ouais. Tu finis par te faire comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Fait que tu sais, on dirait que personne assume qu'il l'écoute pour vrai, genre, des fois. Ouais. Ben, au début, du moins. Ben, non, j'aime pas ça. Non, c'est ça, je l'écoute parce que tu sais. Ma blonde l'écoute, t'sais. C'est crazy. C'est moi qui ai le setup hostie pour qu'on l'écoute dans le salon sur nouveau.ca, tu sais. Mais je sais pas, il y a de quoi, tu sais, de quoi dans une télé-réalité, même si c'est, tu sais que c'est abruti, pis c'est du vide, là, c'est rien, ouais. Mais tu sais, il y a quelque chose de. D'humain. Il y a quelque chose d'humain ou de voyeurisme, il y a quelque chose de. Ça vient chercher une. Ça vient pogner une bonne corde, là, qui fait. Faut que je. En tout cas, moi, ça me fait ça. Faut que je voie la suite. Tu sais, ouais, fait que j'ai écouté L'amour est dans le pré aussi, genre. Ah, ça, j'ai jamais. C'est pas bon, genre. C'est con, là. Ah. Mais, c'est Chris, genre. Il y a des limites, là. Genre, il y a des affaires que je peux pas d'écouter. Là, mettons, Jersey Shore, là. Maintenant. Ouais. Non, ouais. Moi, sinon, j'ai jamais été fan de télé-réalité, mais ouais. Écoutez. Moi non plus, je dirais pas que je suis fan. Mais, tu sais, je pense je suis pas fan de télé-réalité. Puis en fait, je pense que j'aime pas ça, au fond. Ouais. Mais je suis crissement vulnérable. Ouais, c'est ça, t'es en bas. C'est ça, c'est plus fort que moi. Ah, mais c'est si bon. Réalité, il y en a. Même un souper presque parfait, t'écoutes pas ça? Ah, il y a un bout, je l'écoutais, ça. Ouais, moi aussi, mais on dirait que c'est pas pareil. C'est pas le même type de télé-réalité que. Ouais, c'est... Il y a aussi le côté cuisine, puis le côté de. C'est du monde différent chaque semaine. Mais non, ouais, ça reste de la télé-réalité. Ouais, c'est sûr qu'il y a un plus gros focus sur le... la cuisine, puis comment ils le font, puis comment ils l'apprécient plus que la personne. Mais la personne joue quand même beaucoup là-dedans. Ouais, puis c'est les meilleures semaines aussi, quand c'est des personnalités fortes. Ouais, c'est ça. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, là. Je la suis plus, là. Deux saisons, je pense. Je sais pas. C'est drôle, ces émissions-là, j'ai tant de la misère à voir ça comme des saisons. Ouais. On dirait que je vois ça comme des émissions. C'est pas des émissions, c'est pas des vraies émissions. Ouais, c'est pas Breaking Bad, surtout que ça change pas énormément, hein. Ouais, non, c'est ça. Quoi, j'ai fait un Christito quand j'étais allé chez mes parents un moment donné, puis que Décor ta vie, il y avait des entrevues, là, puis c'était rendu avec des talking heads, comme dans les documentaires, genre, plus ça parlait de comment ils se sentaient d'avoir vu la chambre, comme, what? Yeah! Je pense que, je pense que ça passe plus, là, mais c'était comme, c'était comme ma tante fois mille, là, comme Chris, Décor ta vie est le comble de du matantiste, puis tu l'augmentes tant que ça, hein, Chris? Tabarnak! Si! Télé-réalité, t'en ferais... Mettons que t'as pas le choix d'en faire une. Ouais. Quel type de télé-réalité tu ferais? Hmm. Cuisine? Ouais, sûrement, parce que coupe, j'étais en couple, j'ai pas envie. Non, c'est ça. Célibataire et nuit, genre. Ouais, c'est ça. Crise de chaud. Célibataire et nuit, c'est pas bon, non. Non, même Survivor. Le genre d'affaire de survie, je serais incapable, je suis pas bon. Chris, moi, je... Je connais rien. Moi, je pleure en boule, puis... Je pense que j'aimerais ça essayer, moi tout seul, j'aimerais ça m'amener essayer de la survie un peu. Ok. Genre, tu sais, voulu de, c'est moi, je m'amuse à faire ça 2 jours, mettons. Ouais. Mais d'affaire de, tiens, t'es sur une île, faut vraiment que tu survives pour vrai avec d'autres gens que tu connais pas. Non, non. Puis sois écœuré en mangeant de la mousse d'arbre, mais regarde le caméraman qui mange des bartendes à côté de toi. Qui est-tu à nuit? De toute façon, dans The Office, Michael Scott, il montre comment survivre en forêt. Hein. C'était juste, oh ouais, t'as juste, tu y vas avec une caméra, puis tu peux te faire un chapeau avec tes culottes. Pour, je m'en rappelle même pas. Puis après ça, quand t'as fret, t'as refait tes culottes à partir de ton chapeau que t'as fait, puis tes tapes. Hey, je me rappelle pas de ce bout-là. Ah, c'est que. C'est quelle saison, ça? 4-5, je pourrais plus te dire. Mais ouais, Michael Scott, il passe un trip. Ok, là, je m'en vais. Ah ouais. M'en va survivre, genre, parce qu'il y a des vidéos sur YouTube ou je sais pas quoi. Là, Dwight le suit, puis il dit va-t'en. Finalement, Dwight, il surveillait, puis il l'a sauvé, puis qu'il mangeait, genre, des baies empoisonnées, je sais pas quoi. C'est qu'ils font. Okay. Hey, j'en rappelle plus. Steve. Je m'en ai cette émission-là. C'était bon, The Office. Puis il y en a tellement que tu t'attaches à tout le monde. Ouais, puis il y a quelque chose de. Tu sais, c'est niaiseux, gentil. Tu sais, de. Tout le monde est un peu niaiseux, mais c'est jamais comme méchant, trop forward. T'sais, c'est malaisant pis tout, mais tout le monde a un bon fond un peu, ish. On dirait, je sais pas, il y a quelque chose de doux, je trouve. Ouais! Ouais! Il est pas doux avec Toby, là, Michael Scott, là. Ouais, je sais, mais tout le monde est comme, je sais pas, tout le monde est comme un peu loser, pis le fond est positif, on dirait. Ouais, je sais pas, le feeling général reste, oh, genre, on dirait... Ou c'est. Ouais, je sais pas, peut-être que je m'en rappelle mal. En fait, je me rappelle pas de quand il. Ben, c'est drôle, j'ai tellement pas ce feeling-là quand mettons, je pense à The Office, mais peut-être, ouais. Dans le fond, je sais pas. C'est pas, en même temps, tu l'as écouté genre 3 fois. Tu le sais plus que moi. Ouais, je suis pas une ressource, là, style. Ouais, pis selon. Non, c'est t'es une ressource dans Radio Enfer, selon Steve. Chris, il a dit que Steve m'a traité d'autiste en plein stream. Chris, est-ce que ce bout-là, j'étais comme. Ah, ça s'en va méchant, là. Mais c'est correct, ça me dérange pas. C'est. En même temps, tu connais trop d'affaires sur Radio Enfer. C'est pas un pouvoir magique, là. Genre, je vois pas, ils vont pas faire un film de super-héros sur moi, comme. Hey, tel fait sur Radio Enfer. Oui, ben, tu sais, dans l'épisode 15, Vincent Gilina, il arrive avec son journal, pis là. Si tu veux. Je sais pas te dire. Non, par numéro, c'est pas ce point-là, ouais. Non. Rendu là, tu fais comme, ben là, Chris, oui. Mais j'aurais peut-être commencé. Je vais-tu les réécouter, je vais te prendre des notes. Ok, dans l'épisode 15 de la 10 secondes, Vincent Gilina, il rentre dans la chambre à Fournoise. Fournoise. La chambre à Fournoise. La chambre à Fournoise. C'est un bon épisode, ça. Que... Ouais. Ouais, il va dans une chambre à Fournoise pour vraiment. Ah ouais. Ouais. Puis ils sont pris dedans, puis ils ont chaud. C'est ça? Peut-être lui tout seul. Je sais plus. J'ai vu, ça me dit de quoi? Tu étais pris d'un congélateur. Je m'en rappelle pas. Ouais. Là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Radio Enfer. Fait que. Je pense que j'étais encore dans le camp que je défends Radio Enfer. Mais là, ça fait un bout que j'ai pas écouté. Ça. Fait que. Ah, crissant. On va espérer que ça se tienne encore la prochaine fois. Surtout que là j'hésite à télécharger, je peux les réécouter, mais j'ai les DVD aussi, puis hostie, genre l'édition que j'ai de la saison 3 et 4, ou 2 et 3, je sais pas comment ils ont, en tout cas les coffrets sont lettres, hostie qu'ils sont lettres, ah qu'ils sont lettres, c'est 2 et 3, puis les coffrets sont lettres, puis en plus, ils ont mal pressé les, ben pressé, c'est pas des vinyles, là, mais ils ont mal gravé leurs disques, ils ont des défauts dessus, fait qu'il y a certains épisodes qui s'écoutent pas. Là. Ah ouais? Ouais, pis si ton lecteur DVD est le moindrement picky, ouais. Genre, il fait juste pas jouer point. Puis sinon, il joue avec des glitches. Ouais. Est-ce qu'il y a rien de plus frustrant que ça? Tu sais, quand tu t'allais te louer un film, pis là, tu le mets, pis là, un mané, il gèle. Ouais. Pis là, ça skip, ou le son, il décale, t'es comme tabarnak! Pis c'était un défaut de production, genre, on l'avait fait changer au HMV à l'époque, à HMV. Pis après ça, il y avait un forum de Radio Enfer, hein, pis que la moitié du forum, c'était du role-playing de Radio Enfer. Genre, qui était un des personnages, qui était un élève dans l'école. Ben, genre, t'avais une partie du forum que c'était genre, ok, moi je suis Vincent, puis là je rentre, puis c'était une conversation comme, salut Camille, c'est moi Vincent, ah salut, tabarnak. Bref, j'ai pas participé là-dedans, là. Je sais pas si craqué dans la tête, là, mais il y avait une autre partie du forum qui parlait des DVD, puis tout, fait qu'il y avait un sujet qui parlait des bugs. Fait que c'était vraiment un truc de production pas isolé. Ben, c'était isolé parce qu'il y a 3 personnes qui ont acheté les coffrets. Pis ils sont lettres, hostie, qui sont lettres! Crise de coffret lettres d'hostie, genre. Là. Pis ils sont toutes pas dans le même style. Okay. Toutes pas dans le même style. Il y a, le premier, c'est des petits DVD minces, ouais. Avec des stock photos de eux, genre, découpés d'un séjour, hostie, qui sont lettres. Le deuxième coffret, une petite grosse affaire jaune avec un gros affaire en carton qui s'ouvre mais qui se ferme mal. Puis c'est dans lui que les DVD marchaient pas. Puis là, plein d'autres photos, puis de ce cossin un peu lettre avec la typo pas belle. Là, l'autre après, oh, c'est-tu d'affaires bleu-mauve avec de l'écriture rouge dans un gros case en plastique. Tu sais, les gros cases de DVD normal mais épais, genre. Là, c'était rendu ça. C'était, là, c'était un gros case en plastique, mais vraiment épais, dégueulasse, ultra-lettre avec un style horrible, là. C'est-tu qui est lettre, ce coffret-là. La saison 6, je l'ai pas, là, je vais m'acheter. Okay. Il doit aussi lettre, là. C'est ça. Je m'en rappelle tellement plus des saisons, là. De qu'est-ce qui se passait. Que passent les saisons? Je te dis ce qui se passe dans les saisons, ça vaut la peine? Non, ça va. Ok, parce que c'est plate en tabarnak. Les deux premières saisons, il y a Léo. Après ça, il s'en va. Ouais, c'est ça. Germain arrive dans 4. Jean-David arrive dans 5. Germain? Il ressemble à quoi, Germain? Il est français, il a des lunettes. Il a un accent français. C'est lui qui faisait le show du matin. Germain Saint-Germain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il faisait « Est-ce qu'on est bien le matin? Coucou tout le monde! Hey, » c'est je m'en rappelle lever. Pas! Puis là, ça sort, il y a une sœur qui s'appelle Pamela. Puis c'est pour ça que Carl, il l'accepte dans la gang parce qu'il veut croiser sa sœur. Du coup, bref, c'est pour... Calice. Ouais, OK. Steve a raison. Hashtag autiste. Chris de... Désolé. Non, mais je veux pas Google Maps, hein. Google Maps, Germain Saint-Germain. Il est ici! J'aime pas ce comédien-là, mais ça, je l'ai pas revu jamais. C'est lui. Attends. Ouais, il a l'air d'un. Une petite face? Ouais, une petite face, là. Un beau monsieur. Ah, oh, Chris! Ah ouais! Ben oui, toi. Mais je pense que c'est ça. J'écoutais plus comme les premières saisons, puis quand ça allait finir, j'ai recommencé à l'écouter plus. Okay. Je pense qu'il y a un bout que j'ai pas de temps à écouter. Okay, okay. C'est pour ça que je me rappelle plus, je pense, des premières saisons puis de la dernière, donc quand ils partent en fermant la lumière. Ouais. Hein? La belle vibe de fin de show. Hein, qui se fait parodier dans plein de trucs, mais là, c'était littéralement ça. Ouais, c'est ça. Puis là, ils brisent la quatrième heure parce que Carl, il regarde la caméra puis il dit « Vous avez écouté Radio Enfer » puis il regarde nous, genre. Nous parle à nous, puis il ferme la lumière puis il s'en va. Ça a gâché tout le canon de l'émission, ça. Ouais. Ouais, puis ça gosse parce que là, le générique, il part puis il est lettre. Il est comme dramatique. Oh, c'est nouveau. Mais là, mettez des bloopers. Mettez des bloopers. Là, ils mettent des faces découpées, lettres. Mais tu sais, puis ils mettent le cast. Mais tu sais, juste le cast de la saison 6. Mais là, Chris, tant qu'à mettre des faces, mais tout le monde. Ouais, Jean-Loup, il était pas tant que ça. Hein. Je pense qu'il était même pas dans la saison 6. Okay. C'était important. Jean-Loup, il était là 5 saisons, ouais, Chris. Maintenant. Jean-Loup. Jean-Loup. Doc Duval. C'était bon en Chris, les chansons qu'il y avait dans Radio Enfer. Tu viens-tu? Parce qu'il y avait un épisode, hein, qu'il y avait André Ducharme qui faisait Ronnie Angelo. Tabarnak, ouais. C'était un producteur de disques, là. Puis évidemment, un producteur de disques, ça va aller dans un local de radio étudiante géant avec des couleurs flash. Puis il était assis sur un banc. Puis là, chacun des personnes passait une audition en chantant une chanson. Puis c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'aimais cet épisode-là. Puis avec le recul, j'y repense. Puis ça me dégueule comme concept d'émission. Christ, que c'est mauvais. Les tunes étaient mauvaises, aussi de calice de tabarnak. Hein? C'est ça, je vous ai contacté le petit Sabanova. Ok. Ça va comment? Rapporte-moi ça des hot dogs au chou pis du poulet barbecue. Ah oh, ouais, rapporte-moi ça une grosse pizza pis du poulet au chocolat. Puis il y avait aussi, ouais, il y avait la fille. Puis là, tu t'en souviens pas, c'était une saison que t'as skippé, mais qui s'appelait Betrave, genre. Elisabeth Rave, puis genre, c'était. L'actrice, elle devait avoir 70 ans, tabarnak, puis elle s'en au secondaire, là. Puis là, comme elle, c'est la punk, puis là, elle a les cheveux roses ou rouges, là. Puis ils font de la musique dans un band, là, avec Carl au clavier, puis l'autre au drum, genre. Puis Monsieur Giroux, il arrive en chaise roulante, à ce type, puis oh, tabarnak. Je vais passer Ah, mais c'est vrai. Finalement, que t'es essayé par cœur, man. Jésus! Ouais, c'est pas, parce que c'est pas les meilleurs highlights. Ouais. C'est comme l'épisode de la petite vie qui se passe, qui vont à Musique Plus, là. Tabarnak. Je l'aimais quand j'étais jeune, c'est plus bon. Dans un show, man. La petite vie, je pense que j'ai jamais écouté, parce qu'il y a une fois, un des épisodes que j'ai écouté, c'était... Tu sais, lui qui se drille la main, hein? Oui! Qu'est-ce que ça m'a marqué, man? Ah, merde. Ça m'a tellement traumatisé, hein? Ah, la petite vie, c'est tellement bon, ça. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment sensible à ces affaires-là, genre, ça me faisait peur, hein? T'as essayé de te le faire à toi-même? Ouais. Nice. 100 fois. Non. Mais moi, je pensais que c'était vrai. Mais pareil, moi, c'est une fausse main. Je comprends pas. Moi, je pense que je suis resté avec l'impression que c'était vrai. C'est pour ça que j'avais pas aimé ça. Puis après, j'avais tout le temps peur que ça arrive. Mais surtout qu'il n'y a jamais de gag comme ça. Ouais. C'est le seul gag comme ça dans, ouais. dans... Puis il y avait du sang, je pense, un peu. Oui. Là. Il n'y a jamais eu ça. Là. Non, c'est pour c'est ça. C'est la seule affaire de même qu'il y a dans jeune, la... toute la... Ah. Toute la... le truc puis après, c'était genre... Ça m'a marqué parce que... Aussitôt qu'il y avait des personnages que je savais qui... Mettons, quelqu'un me disait... c'est arrivé une fois, c'était genre dans 4 et demi, quand Mario... C'est Mario, son nom? Je sais plus c'est qui... Puis il partait, puis j'avais peur qu'il le tue, qu'il nous le mange. Je faisais juste s'en aller, mais j'avais vraiment peur. Là, j'étais c'est comme, magique. Oh, puis là, j'étais stressé, puis j'étais comme, je veux pas. Ah, oh, qu'est-ce que c'est drôle. Tu as-tu d'affaires qui t'ont traumatisé quand t'étais jeune à la télé? Ça. À part ça, à part la main de Timmy. La... Ben, c'était pas de la télé, c'était en jeu. La face de clown dans Super Mario World, le truc qui vole. L'affaire de Bowser, ok, au moins. Il m'avait fait peur quand j'étais petit. Tout petit, mais tu sais, il est sorti en... J'avais 5 ans, je pense. Ouais. Mais genre, c'est la première fois que je l'ai vu. Que ça m'a fait peur un peu. Après, j'étais correct. Oh, ça a passé. Il y a tellement de niaiseries qui m'ont fait peur dans les jeux quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi. Oh, calice. Mais attends, télé... Ben, même, ça peut être jeu aussi. Mais comme, tu sais, dans les jeux... Là, après, j'ai déjà parlé dans des vieux épisodes des Sorbet, là, les vieux, mais tu sais, hein? Personne n'a écouté cet épisode-là pour les fans finis. Là. On vous salue les trois qui ont sûrement lâché. Mais... Il y avait un jeu de clous au Super Nintendo, puis la musique me traumatisait bien raide. Hein, la petite musique de. La musique, la vibe de ça, puis toute la façon que les faces des personnages, tu sais, Monsieur Green puis Colin Masters sont dessinés, ça a tout un côté weird. Okay. Pourtant, ils montrent rien de violent. Ouais. Tant que ça, ils montrent rien. Mais c'est, ça, c'est, mais pas c'est violent, juste la c'est vibe, juste, ouais, c'est comme, on dirait que c'est malsain. Ouais, un cauchemar. Ça, puis il y avait un jeu de Battleship. Ok. Mais Battleship, quand j'étais jeune, ça m'a traumatisé bien raide, là. Mais genre, il y avait un jeu, il y avait un Super Battleship au Super Nintendo. Le jeu, il est le fun. Okay. Le jeu, il est le fun, pour vrai. Genre, je fais longtemps que j'ai pas rejoué, mais tu sais, tu places tes bateaux tour par tour, puis tu coules les autres, puis il est vraiment cool. Comme, okay. Il est vraiment le fun. Mais sauf quand tu meurs, ton logo de capitaine devient une tête de mort, là. Okay. Puis une hostie de musique, genre, de style Chris, là, puis ça fait genre... Là, le bateau il coule avec la tête de mort, ouais. Man, j'haïssais ça là! Ouais, mais moi j'avais. Il fallait jouer sur mute, pis je regarde pas la télé, hein. Ouais, moi, j'étais pas bien. Moi je pense que c'est que j'avais plus peur, c'est aussitôt que quelqu'un me parlait, me disait, hey, ce truc là c'est vraiment épeurant, ben, hey, c'est vraiment dégueu. Automatiquement, je voulais pas. Puis, ouais, okay. je voulais pas jouer. Ça me... C'est comme Phantasmagoria 1. C'est genre un jeu de. C'est un point and click, mais en FMV d'horreur. Okay, puis il y a eu longtemps que ma mère voulait pas que je joue à ça, fait que ça, tu sais, ça a pas aidé. C'était comme ouais. Non. Puis j'avais, je m'en souviens, c'était un ami qui m'en avait parlé ou c'est un cousin. Ça, je l'ai fait finalement à genre 17 ans pour la première, 16 ans je pense pour la première fois. Puis même là, encore quand je l'ai fait, j'étais comme, oh, j'ai peur. J'étais comme ah, tu sais, la première fois que tu le vois, t'es comme ah, ok, ça a l'air cheap. Ouais, c'est tout coche. T'es comme ok. Mais il restait que j'étais quand même sensible tout le temps à cette affaire là. Après, je me suis mis à aimer les films d'horreur. Mais... Ouais. Parce qu'en fait, c'est plus aussitôt qu'il y a eu dans mon cerveau comme accepté, ok, c'est pas vrai. Genre, c'est pas vrai. T'es comment qu'il est fou. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est niaiseux. Ça m'a fait ça avec l'exorcisme. Exorciste, ok. Ben, ça, mais avec ça, ma mère, elle faisait comme ça, m'a traumatisé quand j'étais jeune. Puis là, comme, ok. Ma mère aussi. Là, j'ai écouté genre dans la vingtaine. Ouais. C'est pas bon, ça a pas bien vu. Je comprends d'où qu'elle vient. Ouais. Mais Chris, que ça fait. En plus, ça faisait religieux, man. Si t'es le moindrement un peu. Ah ouais, j'avoue. Je sais plus à quel point mes parents sont religieux. Ma mère, sûrement encore un peu, là. Ouais. Même si elle me dirait le contraire. Ouais. Si tu crois un peu au fond, man, c'est sûr que ça fait encore plus peur. Ouais. Parce c'est comme t'es pas censé écouter ça. Bah. Je parlerai pas de religion, parce que c'est ça que j'ai fait la dernière fois qu'on était ensemble, puis j'étais ben sous, je faisais un chialer. Ouais. Épisode 39, agréable. Ouais. Épisode 39, qui avait quand même 3 heures de matériel pour 2 heures de show. On est coupé en tabarnak du stock dans cet épisode. Qu'est-ce que c'était pas propre. Ouais. On se rappelle. Il va être long, mais. Ben, c'est un peu pire. Ouais. On pourrait poser. On a déjà un épisode complet, quasiment. Posons, puis go. Ok, ben, on finit, on close-tu, genre? Ouais, ok. Puis au pire, si on... Faisons, tu sais, puis au pire, je les prends pas, mais ouais. Tu sais... On réenregistrera après pour faire en faisant des niaiseries, puis on verra. Ok, ok. Fait que on finit ça là-dessus, un épisode un peu tranquille. Ouais, une vague plus étrangement, là, c'est drôle parce qu'on est face à eux, j'aurais fait comme Chris, ça va être n'importe quoi finalement. Ouais. C'était mais c'est relativement sain. Ouais, c'est ça, c'est peut-être en fait, c'est sobre. Ouais. Fait que c'est peut-être l'épisode 80 ou 81, je sais pas trop. Ouais, j'ai l'impression que l'épisode que tu as écouté, tu fais bah oui, c'est un podcast. Il parle de choses. C'est ça. Après la semaine qu'on s'est fait plein d'éloges, pis tout, tu sais que c'est quand je vais aller écouter comme. Ouais, je pense qu'on va, okay, on va avoir besoin de l'intercouper de niaiserie. Ouais, lui, il a zéro impro, pis il a zéro rien. Est-ce que c'est drôle pareil? Ouais. Ou l'autre, il va être plus wackass, au moins anyway. Ouais, j'imagine. L'autre, on va être all-in. Je suis déjà plus déjeuné, mais ouais. Qu'est-ce, je ferais quasiment 4 podcasts. Il me semble que j'ai pas touché à mes notes encore. Ouais. Puis c'était cool. Bon, ben anyway, je vais tout couper ça. C'est ça, là, comme d'habitude, là, Facebook, Twitter, Twitter, Facebook, Twitbook, Facester. Facester. Le nouveau Facester. Le nouveau Facester qui vous surveille. Aussi. Ouais. Fait que, c'est ça, là, likez-nous. On n'est toujours pas à 100 likes. On est retombé à 99. on a parlé qu'on était à 99 dans le podcast, puis on est retombé à 97. Tabarnak, ce qu'on a fait, c'était si mauvais que ça, l'épisode dans VR. Ouais. J'ai juste eu des bons commentaires là-dessus. Je l'aime. Ouais, moi aussi. Désolé, en tout cas. Ça m'a découvert une passion pour les jeux de char plate en VR. Mais non, mais c'est vrai, après, on a joué à American Truck Simulator. Qu'est-ce que c'est le fun. Hostie, ça m'a surpris comment c'était le fun. J'ai le goût, j'ai encore le goût de rejouer. Tu sais, on s'entend, on a joué en VR, mais Chris, genre, tu sais, un coup, tu passes par-dessus le fait que le jeu est un peu lettre. Ouais. Mais puis là, tu te promènes, là, tu. Chris, là, tu te rends compte, Chris, j'ai vraiment mis le flasher pour tourner. J'ai vraiment arrêté à la lumière. Puis là, je prends vraiment mon temps pour tourner là pour frapper photo. Comme, j'ai du fun. Pourquoi je vais faire une autre quête? Genre, le bout qui m'a le plus fait comme, oh, c'est juste, c'est tombé la nuit, les lampadaires ont allumé. Puis là, t'avais juste l'effet des lumières qui vont zoup, zoup, zoup. Ah, ouais. Juste passer au-dessus de la tête, genre. Puis j'étais comme, ah! Je me suis même pas rendu la nuit, mais j'ai pas joué tant longtemps que ça. Mais ce que j'ai essayé. Comme la vraie vie. Mais parlons un peu de VR, là, pendant que. Tant qu'on ferme le show, fuck it, là. Ouais, t'as joué à Lone Echo, t'as vraiment haï ça, tu vois. Pas haï ça, mais. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu. Si ça te tente pas, ça peut pas te tenter plus en jouant. Non, c'est clair. Non. C'est comme. C'est bon, tu disais, c'est ça un peu le VR en général. Parce aussi. Toutes les interactions, c'est juste. C'est, ben, en fait, ça a peut-être pas aidé que on a joué à Echo Arena. Echo Arena, ouais. Fait que tout ce qui était contrôle, on le sait un peu. Puis après, t'as des outils, genre, ah, tiens, scan. Mais ça reste, tu pointes, tu sais. Ouais. L'autre, c'est le laser, tu pointes, tu découpes, mais c'est pas le premier jeu qui fait que tu découpes. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas des affaires, genre, ben, tu sais, pis on s'entend, j'ai joué le premier 45 minutes. Là, ouais, moi aussi, après, je pense qu'on a joué la même chose. Puis, je sais pas, je trouve ça juste plat, c'est comme, ah, bon, ben, ramasse les caisses. Mais okay. Je pense que c'est tellement plus que ça, pareil, parce que je pense que le but, tu sais, je pense que j'ai pas fini le jeu. D'après moi, niveau gameplay, il va pas nous surprendre non, tant que ça. Pas. Mais tu sais, côté ambiance, côté narratif, côté immersion, côté détail, côté interaction avec le personnage principal, je pense que c'est tout là qu'ils ont mis la gomme, puis ça paraît, parce que tu joues, la fille, elle te parle, puis là, tu fais faire des dialogues sur des trucs, puis tu vois qu'il y a une complicité entre les personnages, j'ai comme fait, que c'est weird, parce que c'est pas moi, mais je suis le robot pareil. Mais ça, moi, j'ai trouvé que ça a pas cliqué avec moi, comme, je trouvais ça long, elle parle, puis t'es comme, c'est que, ah non, on va là-bas. Ok, mais j'étais investi en Chris, là, je suis bien drôle comme histoire, puis la relation est intéressante un peu. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Rembourser ou quoi que ce soit, je me suis dit, je vais attendre, je me connais aussi. Tu sais, il y a des fois qu'un jeu ça marche pas cette journée-là. Ouais. Non, Chris, oui. Ouais. Surtout VR, c'est pire. Ah. Quand ça te tente pas, c'est tellement. En plus, ça arrive 3-4 fois, genre, quand tu prends un handle, en baissant la main, elle faisait genre. Oui, oui! T'es comme Chris, voyons donc, c'est genre, tu fais ça, la moitié du gameplay, c'est tirer un handle vers le bas. Mais j'ai arrêté de jouer à cause d'un bug. Ah ouais. Je faisais justement le truc que t'as des cargos, tu les mets dans les trous, puis j'ai tout mis. Puis là, ça dit, ok, pull de handle, machin. Chris, elle a jamais bougé de là. Là, j'étais allé voir sur Reddit, c'était un bug. Sauf que là, mais si, m'a quitté, m'a reloadé. Ouais. Là, ça me reload avec, je place toutes les calices de caisses d'intro. Hey, c'est toujours fait pas ça, là. Non, surtout que j'avais perdu, genre, 20 minutes à chercher une des caisses qui était poignée dans un toit. Non, c'est ça que je trouve plate, c'est genre, c'est plate. Genre... Ben, j'ai trouvé ça plate quand je trouvais plus la caisse, puis je tournais en rond. Mais tout le reste, j'ai trouvé ça le fun, juste à cause de l'immersion, puis je me promenais, puis je checkais vraiment les détails de tout. Okay. J'ouvrais des tiroirs, juste avant, la grille m'énerve. Calice qui m'énerve. Elle affichait tout le temps, mais là, j'étais allé dans les options, disablé. Oui, l'hostie de grille d'Oculus, ils ont fait un update, puis j'ai checké sur Reddit, ils ont vraiment confirmé que elle est plus sensible qu'avant, parce que tu as une grille pour t'empêcher. Tu sais, tu fais ton setup quand tu joues VR, puis c'est comme ta limite que tu peux pas dépasser, sinon tu frappes tes meubles, physiquement tes meubles. Sauf que là, dans la nouvelle update d'Oculus, que l'update est super hot d'ailleurs, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait, sauf que ce détail-là, que là, la grille qui apparaît, elle apparaît tout le temps. À minute que tu bouges, elle est là, genre, c'est comme... ouais, je voyais ça. Ouais. Moi, si je désactivais, j'ai frappé des meubles, si j'avais pas le choix. Bah, oui, moi, j'ai gardé lui au sol. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Moi aussi, mais tu sais, à un moment donné, t'es dedans, ouais. Tu regardes pas tout le temps au sol. Calisse que t'es tout le temps là. C'était dégueulasse. Ouais. À un moment donné, j'étais plus dedans. Tu vois rien, en plus, c'est au-dessus de tout. Fait que t'es comme... Ouais, c'est ça. Puis elle est forte, là. Comme blanche, bleue, pâle. Faut que tu reaches tout le temps, en plus, dans l'One Echo. Ouais. Tout le temps, genre, les mains super loin, puis... Ah. Ouais, moi, à la minute, je lève les mains, c'est ouais. Plus loin que mon torse, ça c'est apparaissait. Ça. Ouais. J'espère qu'ils vont corriger ça, parce que c'était ridicule. Mais ouais, sinon, l'update de Culus, ouais, puis tout le truc, ce qu'ils appellent Dash, là, avec le nouveau Home, puis le nouveau menu, puis cool. Tu peux avoir ton desktop. T'as essayé de piner une application? Ouais. C'est quand même bien fait. C'est compliqué quand tu sais pas. À un moment donné, tu fais comme, OK, c'est ce piton-là. Ça, j'ai pas. Soit j'ai pas assez d'applications ou j'ai pas compris comment scroller la barre, le dash avec toutes les applications dessus. Alors, peu importe ce que j'essayais, ça marchait pas. Hein. Je pense qu'il scrolle juste s'il y a plus d'affaires. OK. Parce que je me semble que c'est juste tu le tiens. Puis... Ouais, OK. Mais ouais. Mais ouais, non, c'est vraiment cool. Ça a vraiment monté comme, OK, Chris. Ouais. Juste de placer tes achievements aussi, c'est cool. Ouais, mais ça donne des versions physiques, ben physiques, virtuelles. Ouais, t'as l'image, puis le nom de l'achievement. Puis c'est comme des petits tableaux, ouais. Genre de laminé, là, tes places, tes murs, genre, c'est comme... Ouais, c'est quand même cool, ça marche, ça frappe les bonnes cordes, Ouais, c'est plate à décrire, c'est tellement visuel, en tout cas. Ouais. Bref, je le dis ici, le VR, c'est pas une mode, je pense. Non, je pense, ouais, ça va continuer. C'est parce que, où c'est, je pense, c'est très intéressant de commencer... On frappe les limitations vite. Ouais, c'est encore c'est des crises de fil. C'est une bonne direction, c'est pas là. Tu sais, c'est comme, j'en parlais, man, genre, je sais pas si avec toi ou avec un ami, c'est, je trouve que c'est la même chose que le début du son au cinéma. Tu sais, t'avais mettons un orchestre avec le cinéma. C'est comme, t'es comme, ah oui, ok, il faut le son qui est avec ce qu'on voit, ça marche vraiment bien, mais c'est pas ça. Genre, non, c'est ça. Il manque quelque chose, on est comme à moitié du sens qu'il faut qu'il soit là au complet. Ouais. Hein. Ou pas, peut-être pas à moitié, un peu moins, je pense. Mais... Parce que quand tu vas pogner des casques avec un meilleur field of view, une meilleure résolution, qui vont être sans fil... Puis aussi, le côté physique, là, de prendre des objets et de sentir que c'est ça prends, peut-être puis... déjà des genres de gants, peut-être. Ouais. Là, puis... Mais ils travaillent aussi des trucs en ultrason, je sais pas quoi, là, qui te fait sentir que tu passes à travers des objets. Okay. C'est pas comme toucher un objet, mais tu sens un feedback de plus. C'est peut-être un hoax aussi, j'ai vu ça sur Facebook, puis j'ai pas checké, j'ai vu le titre. Pouvoir marcher sur place, c'est juste ça, là. Ouais. Il y a ça, il y a tout le côté déplacement qui est encore un peu louche, là. C'est souvent, ok, soit tu... Quoique l'On Echo, ils ont trouvé une bonne façon de... Ouais, mais L'On Echo, c'est brillant. On peut pas juste faire des jeux dans l'espace. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, comme... C'est souvent ça, tu te téléportes ou tu te prends avec le stick, puis c'est pas naturel, puis tu feels weird un peu, tu sais. Mais là, l'écho, c'est parfait, puis t'es en apesanteur, puis tu pommes tous les objets qu'il y a, puis tu te donnes une swing. Ouais. Christ, que c'est parfait, ça va vraiment bien. J'estime que j'ai de la misère à viser comme ça. T'as pogné sur le mur, puis tirer à la bonne place. Ouais, mais surtout dans les airs. Hein. T'es comme non, Ouais, avec les petites mains, les petits thrusters sur les mains. Là. Ouais. Mais ouais, le VR, ça sent bien cool. Là. Mm. Pour ceux qui sont pas encore tombés là-dedans, c'est correct. Attendez. Là, c'est encore cher. Moi, à moins que vous ayez moyen et que vous voulez vraiment l'essayer. Ouais. Là, mais... Si l'ordi est cher, le casque est cher, les jeux c'est sont chers. C'est ça, il y a l'ordi aussi. Puis je conseillerais pas PS VR. J'ai pas essayé personnellement, mais ça a vraiment... Ils en ont vendu beaucoup. Oui, c'est ça. Mais ça a l'air cool pour ce que ça fait. Mais, c'est je le me plus dis... confortable. Parce que je me dis, je les sens les limitations d'un Oculus Rift avec un aussi bon ordi. Ouais, fait que je me dis, Chris, tu dois frapper un mur vite avec un PSVR. Ouais, clairement. Fait que, mais moi, en tout cas, tu sais, de la prochaine génération d'ici 2-3 ans, là, ça va être assez. Le monde va chier dessus. Ouais. C'est très cool, là, avec des meilleurs casques puis du meilleur matériel. Puis avec déjà une librairie de jeux qui va sûrement être shot d'été. Ouais, ce sera plus juste des petits tests poches. Ouais, à un moment donné, ça va être des boîtes grises. Ouais, c'est ça. Tiens, tu peux sauter, c'est cool bouger, mais c'est des boîtes grises. Hein? C'est ça. Tiens, un avion, des genre 5 polygones pour un île. Bon, ok. Mais ça prend 20 minutes à rendre. Wouh! Immersion! Ah, c'est ça. Bah! Ouais, c'est ça. Facebook, Twitter, tout, puis Facebook, Twitter, fin d'épisode, puis fin de générique, je sais pas quoi. Ce sera pas en time en boucle. Bon, on aime pas ça. Ben, ça va être. Pas trop. Bonne semaine. Fait que c'est ça. Ciao. Bonne semaine, bye. C'est le fun, bye. C'est le fun, bonne semaine, bye. Bye! Bye! Hey, bye! Bye, hein? En passant, bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye. Au revoir. À la prochaine. Adieu. Au revoir. Adios. Hola. Sayonara. Pas raciste, pantalon. Bah. Ça va être la pré-générique.